Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue au FIMG Night Fever, les festivités intensément amusantes et monétairement gratifiantes. On se retrouve en ce beau samedi soir pour blablater Formule 1. Il y a eu pas mal de choses dans les derniers jours, donc on va essayer de faire un petit point sur tout ça, et puis éventuellement tenter d'apporter du divertissement, parce que les FIMG Night Fever, c'est avant tout le... Elle était en retard, c'est pas grave. Je suis là, oh. Oui, bonsoir Strigoun. Ça va, Strigoun? Bah écoute, ça va. Bon, j'allume la cam ou pas? Parce que maintenant que je tisse... Je suis pas obligé, mais si tu veux. Amen. Abemus Strigounus. Putain, bah, écoute, quel connard. C'est toi qui as commencé avec le miniature, voilà. Non, mais t'as très bien réagi, et tu vois, j'aurais dû m'en douter, là, dans les dernières secondes, j'aurais dû me dire, mais oui, il allait faire ça. Il allait faire ça. Bon, t'es pas en 16-9ème, mais c'est pas grave. Oui, je peux pas. En fait, D'accord. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand je supprime l'arrière-plan. D'accord. Donc, du coup, bon, bah, t'as compris, hein, je me suis dit, bon, bah, au moins pour la blague, je vais pas le laisser du tout, parce que c'est en train de me détruire le front, là. Alors déjà que FIMG Night Fever, trop bien. Voilà. Amen. Bon. Alors par contre, petite info, hein, c'est pas du tout sponsorisé par HP parce que cette saloperie d'imprimante. Ah oui, non, c'est de l'Adobe. Ouais. Ah non, c'est de l'Adobe. Hein. C'est de l'Adobe. Moi, c'est une HP que j'ai. C'est-à-dire qu'elle me dit mets du papier si tu veux que j'imprime, connard. Donc moi, je lui dis mais il y a du papier, virgule, connasse. Et elle me dit ok, mais mets du papier si tu veux que j'imprime. Ça fait. Le truc, c'est qu'avec les robots, tu peux pas discuter avec ces gens-là. Mais ça, c'est parce que c'est 2025. Aujourd'hui, tu peux plus parler avec les imprimantes. Avant, tu pouvais avoir des échanges sans être d'accord, mais tu pouvais discuter. Aujourd'hui, tu peux plus. Non, mais clairement pas. Il y a plus de... Enfin bon. De toute façon, il y a plus de saison en plus, déjà, pour commencer par là. Ouais, il y a plus de saison, Strigoun. Il y a plus de saison. Il y a tellement plus de saison que ce soir, je suis venu avec un invité exceptionnel, ma tasse de thé avec du miel, parce que... Je tousse. Je suis malade. Alors, t'as un citron et miel. Hein. Alors, j'ai pas de thym et le citron, j'en ai pas. Bon, bah, comme ça, miel. Donc, du miel. C'est-à-dire ça. Ça, c'est du miel, Strigoun. c'est dans un truc de filet de thon à l'huile d'olive que ma mère m'avait filé quand j'étais malade en 2019. Il m'en reste encore. Sache que le ça miel, cristallisé. Ça va. Ouais, mais ça va, t'inquiète. Ouais. Donc, voilà. Bon. De toute façon, je sais pas ce qui... À part me transformer en abeille, je sais pas ce qui peut m'arriver avec... C'est le miel... Ouais, je sais pas. Ouais, poil de saucisson. Ça, c'est moins cool, ça. Bonsoir, Monsieur Carton, place. Merci pour le sub. Bonsoir, Mylène. Bonsoir, Roland. Bonsoir... C'est où que quelle ambiance ici ou sur YouTube? Généralement, c'est plus sur YouTube, les FNF. Mais bon, peu importe. Merci, Daniel, pour le sub sur le YouTube. Alors, effectivement, il y a toujours des donation goals, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain seuil de dons, on enlève Strigoun et on met les chats à la place. Bonsoir, Warius. Strigoun ne le savait pas. Bonsoir, James Mims. Si, je me rappelle. T'inquiète. Ah bon, bah ça va, si tu le savais. Bonsoir Cined, bonsoir à tout le monde. C'est vrai que le logo HP, il est bien placé. En plus, je veux dire, t'as porté chance. C'est fait exprès, hein. Bien entendu. Hein. C'est fait exprès. Hein. T'as porté chance, Goon, hein, parce que là, on sort d'un doublé Ferrari ce week-end. Là. Attends, je sais même pas si on peut pas appeler ça triplé, parce que t'as quand même deux Ferrari la victoire en IPCAR, ouais, et victoire Ferrari en GT3. Ouais. C'est genre carton plein. Alors, au drapeau d'Amir, je sais pas si c'est une pénalité parce qu'elle termine avec 0,00% d'énergie, la deuxième, mais bon. En vrai, c'est chaud, ouais. J'avoue que c'était chaud, mais c'était stylé. C'était bien fun. On a eu un Schumacher dans une Renault Elf qui a mené à Spa-Francorchamps. On a eu... Marc Minari qui a dit Michael Schumacher et les affichages qui ont fait un plantage et qui avaient Schumacher avec le logo Ferrari à côté. Donc, y a ah ouais, putain, total. J'ai pas vu ça. Ouais. Par contre, ça, ouais, ça faisait plaisir. En vrai. J'ai essayé de corriger ça pour tout à l'heure. En attendant, je vais vous proposer de commencer doucement avec quelques petites news en vrac. Mais avant d'attaquer ces petites news en vrac, Strigoun, bon, ça va pas être des questions en l'air, vous l'avez compris, c'est construit. Mais voilà, faites comme si j'avais rien dit. Strigoun, qu'est-ce que t'as prévu, tiens, t'as des plans, des projets prochainement? Bon, pour l'instant, rien de particulier, on va voir déjà. Hein. Dimanche, ouais. Genre demain, cet été, Noël, aller voir la famille. Oui, et l'année prochaine À l'année prochaine, Grand Prix de France historique, hein, je dirais bien. Ah ouais, bon, ça peut être cool. Et dans 5 ans? Ah, dans 5 ans, je sais pas. Écoute, peut-être cardinal du coup. Hein. On va pas cardinal, sortir. Ouais, on va commencer petit. Hein. Ouais, on va commencer petit. Et dans 10 ans non. Ah, dans 10 ans, écoute, on verra bien. Hein. Je sais pas encore. Mais là, le pape est jeune, donc je pense que je vais rester d'accord. Cardinal encore quelques années. Ouais. Et dans 16 ans, Strigoun? Bah écoute, je sais pas, mais peut-être aller voir le Grand Prix de Miami, du coup. Peut-être aller voir effectivement le Grand Prix de Miami qui en sera à sa dernière année de son contrat qui vient d'être renouvelé jusqu'à 2041. Andrea Kimi Antonelli, actuellement le plus jeune pilote de la grille, qui a 18 ans, en aura 35. Fernando Alonso en aura 60. Mec, ça me buterait qu'il soit encore en Formule 1, bien sûr. Ça pourrait être tellement drôle. T'imagines quand même que dans 16 ans, c'est ça, c'est 16 ans du coup, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. T'as moyen que t'es le fils Raikkonen. Antonelli à 35 ans. Que t'es le fils... Pourquoi pas la même... Verstappen, la fille aura 16 ans. Ouais. Il est arrivé en Formule 1, il a fait ses premiers tests à 16 ans, ça passe. Bon, peut-être. Mais elle sera en train de jouer le titre en F3, peut-être. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Mais, et on aura toujours Alonso. C'est que du coup, tu auras un Raikkonen Alonso, c'est une bataille pour la 16e place. Quand il sera au volant de la Honda, d'une Honda qui aura... son 50e retour en Formule 1 et qui continuera à travailler avec Alonso parce qu'un jour ça finira par marcher, hein, parce qu'on rappelle que l'an prochain c'est Aston Martin Honda. Demain on célébrera les 10 ans, hein, de la première union entre Alonso et Honda. Ça c'était ouais, bah oui. On se rappelle bien passé. Ouais. Bizarrement oui. Donc bon, on en est là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, mais pardon, il n'y a rien à dire on vraiment souffle, là-dessus. Mec, on souffle, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est... En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est bon, terrible à quel point ils n'essayent même pas de faire semblant, parce qu'on est sur des contrats d'une durée, mais qui n'a aucun sens. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aux yeux du public un peu régulier, il ne va pas comprendre, il va se dire quoi? Miami, qu'est-ce qu'il a ce circuit? Il a rien. Le circuit, l'ambiance, il n'y a rien. Vraiment, c'est... À Las Vegas, tu peux comprendre, il y a un semblant d'ambiance. Enfin, il y a quelque chose. C'est Las Vegas. Miami, il n'y a rien, c'est morne. Le public se fait chier, les gens sont dans des yachts qui sont sur une fausse piscine. Il n'y a rien. Le reste du monde sait que c'est parce que les actionnaires, enfin pas les actionnaires, mais les propriétaires, enfin un des actionnaires qui a contribué à l'achat de la Formule 1, qui est le propriétaire du Hard Rock Stadium, c'est ça, je crois. En vrai, mec, sans déconner, ouais, c'est clair qu'on souffle. On souffle, quoi. On souffle bon, fort. Voilà, mais c'est... Voilà, c'est, on le souligne, c'est rigolo. Et puis, on va essayer de passer outre. Parce que, quand même, dans la réalité, le Grand Prix de ce week-end était plutôt pas mal. Enfin, on s'est plutôt bien amusé, j'ai trouvé. Ça va. Honnêtement, pour le coup, je trouve que ça allait. Il y a mieux. clairement, mais il y a pire. Il y a pire. Il y a mieux. Après, mais c'est... Après malheureusement, non, le circuit, c'est c'était cool. Il y avait une dire, belle défense verstappenienne, des belles luttes un peu à droite à gauche, ça allait. Le circuit a marché dans le premier, deuxième secteur. Le troisième secteur, c'est toujours n'importe quoi. Mais le circuit a marché là où il devait marcher, donc j'ai envie de dire ça va, c'est plus ou moins l'essentiel. Ouais, ça va encore. Il y a Full Carton qui vient de faire 4 dons de 99 centimes sur YouTube pour s'assurer de la disparition du Goon. Bah attends, t'as pas vu les 5 abonnements aussi sur Twitch? Non, mais il est fou, hein. Ouais, Trigoon n'est déjà plus pape. Alors non, oui, non, j'ai renoncé, ça fait mal. C'est douloureux. Bon, on va pas se mentir, c'est du papier canson, hein, les gars. Hein, c'est, voilà. Mais bon, la blague est belle. Oh, tu vois, alors, le truc, c'est que là, on va devoir se retaper un conclave, tout ça, ça va être un peu relou. Ah bah super. Bon. Voilà. Allez, chose promise, chose due, on a des petits chats sûr, à la place de Strigoon. Voilà. Bah merci, oui. On m'entend quand même toujours ou pas? Non, on s'en fout de ce que t'as à dire, Strigoon. Oui, on t'entend. Ah, d'accord. Il y aura 44 ans. Mais oui, dans le chat, moi, je serais mort, certainement. 41. Moi, j'aurais... Je m'approcherais des 50, quoi. Putain. C'est j'aurais 46 48. Ans. 48. Ouais, voilà, j'aurais 48. 46 ans, ouais. Bonsoir, monsieur Ximus. Ah, mais il les a offerts sur YouTube, sur Twitch aussi, d'accord. Oui, c'est bon, pour ça que je te dis. Pour les... Non, mais je croyais que c'était... Il a fait péter le portefeuille. Mylène aussi, merci pour le 21e mois d'abonnement. Bonsoir, Valayan. Elle est très bien, celle-là. Bonsoir aux soupapes. Elle est très très bien. Bonsoir à la soupape, ouais, surtout, parce que là, pour le coup... Petite restructuration chez Audi. Alors, bon, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, mais voilà, comme l'a dit indirectement Strigoon, on souffle. Avec cette fois-ci, du coup, Mattia Binotto, qui est passé directeur de projet Audi F1, donc qui va s'occuper... de l'usine moteur, de l'usine Einwheel, et parce qu'ils ont 3 départements, un en Allemagne, un en Angleterre et un en Suisse. Donc il va faire un petit peu la jonction entre tout ça. Jonathan Whitley, qui sera le team principal, il l'est depuis le début du mois d'avril, et quelques autres structurations avec des noms qui... que j'ai pas retenu et que je ne pense pas particulièrement pertinent de rapporter. Un autre petit point, Carlos Sainz, candidat à la présidence de la FIA. Est-ce que tu as vu ça, Strig? Oui, je l'ai vu, et j'ai beaucoup ri, et je me suis dit, oui, s'il vous plaît. Bah oui, ça, ce serait sincèrement, est-ce que ce n'est point le candidat le plus... c'est pas le candidat... qu'on attendait, mais c'est celui dont on avait besoin. Je pense, ouais. Je pense. Ouais. Surtout pour faire front... c'est-à-dire que là, on a quand même un pilote qui est unanimement apprécié dans le monde du sport automobile. C'est ça, et typiquement, je pense que c'est le mec qui a de la légitimité, quoi, à fond de balle. Alors, celui qui en a le plus, je sais pas. Mais il a de la légitimité à être candidat à ce genre de poste, quoi. En fait. C'est-à-dire que dans le même domaine, je rappelle que Ben Sulayem vient à la base du rallye. Bon, et ben même là-dessus, Carlos Sainz, il le bat. voilà, c'est... Non, mais j'en dis pas plus, parce que franchement, c'est le cas de Ben Sulayem. Il faut faire disparaître cet homme... de la surface de la Terre, non, peut-être pas aller jusque-là, mais il a fait beaucoup de mal au sport automobile en général. Hein. On pense beaucoup à la Formule 1, nous, mais au sport automobile en général, avec toutes les démissions qu'il y a eu, les apparemment coups de pression, il se met beaucoup... il se débrouille pas mal dans le monde de la corruption aussi, visiblement, donc c'est vraiment pas ce qu'on a envie de voir, quoi. Disons que en fait, tu passes de Jean Todt à Mohamed Ben Sulayem. Ce qu'il y a, c'est que tu vois, on se disait que ça pouvait pas être mal parce que Jean-Todd, il n'était pas si impliqué que ça dans le sport automobile. Au final, pendant sa régence, il faisait beaucoup plus des actions sur le côté de la sécurité routière. Oui, parce qu'il faut pas oublier que c'est aussi une des actions principales de la FIA. Mais bon, MBS, lui, il met beaucoup trop son nez dans le sport automobile en comparaison. Ouais, et puis il met trop le nez là où il faut pas, quoi, en fait. Il faut pas qu'il... Enfin, je veux dire, c'est pas... Le but, c'est pas non plus de... En fait, je pense qu'il voulait vraiment toucher à tout pour mettre son empreinte, en fait, c'est ça. Hein, je pense que c'est de l'ego. Le mec veut... montrer qu'il a été président de la FIA, donc du coup il arrive, il prend des décisions de bâtard, radicales, quitte à ce que ce soit pas apprécié, mais au moins il s'en fout. Lui, il a imposé un certain comment dire ça, il a imposé des décisions à lui, donc il se dit bah c'est bien, j'ai participé au truc, que ce soit en bien ou en mal, en fait il a participé, donc du coup il est content. Merci Château Roommate Punk. Jolie chemique, mise, il me dit. Et présider la FIA et piloter, c'est pas pareil quand même. Je trouve qu'un profil d'ancien manager d'équipe, comme l'a été Todd, correspond plus. Oui, totalement. Mais aussi, il faut pas oublier que, à passer la soixantaine d'années, Carlos Sainz a aussi fait son bout de chemin dans le monde politique du sport automobile. Faut pas oublier que, alors, il manage pas directement son fils. Mais il a beaucoup contribué quand même. Par exemple, typiquement à sa place chez Ferrari. Hein. Voilà, et même au début chez Red Bull. Hein, tout à fait. Alors certes, Carlos Sainz est un pilote très talentueux, mais il ne faut pas oublier que Carlos Sainz, quand il fait son premier roulage plus ou moins, enfin pas officiel, mais quand il fait un roulage d'exhibition sous des couleurs Red Bull, il y a plein de noms, tout ça, et qui sont sympas, et tout le monde le regarde, Carlos Sainz. Ah, c'est le fils de Carlos Sainz. Oui, parce qu'il a le même nom, ce con. Il y a un moment, je suis désolé, tout aussi talentueux qu'il soit, Carlos Sainz, il y a un moment... Je veux bien croire qu'il est pilote et qu'il n'est pas là pour inventer des trucs, mais donner le même prénom que lui à son gamin, comment tu veux les différencier? Mais bref, passons. Imaginez si j'avais appelé mes chats Mick et Mick. Non mais... Mick, oui. Mick Junior, ah non, merde, 1, ça, c'est moi. Mick Junior 2. Ouais. Mais y a aussi un autre côté important dans cet aspect politique, c'est que... Carlos Sainz, on peut imaginer que c'est quelqu'un qui sait se faire respecter et qui va avoir une certaine notoriété. Il y a Suzy Wolff qui a dit qu'elle voulait être candidate aussi il y a quelque temps. C'est une personne qui n'a rien sans méchanceté. Peut-être qu'elle est très douée pour faire le boulot, mais elle a très très peu d'appui derrière. Enfin... C'est-à-dire que son nom n'a pas la même portée justement qu'un homme comme Carlos Sainz, quoi. Il reste pas mal de chemin. Après, elle fait un très bon travail avec la F1 Academy, visiblement. Parce que, je ne sais pas si tu as suivi, mais le Grand Prix d'Australie en Formule 2, qui était sous la pluie, oui, ils n'ont pas pu le faire. Du coup, ils l'ont annulé. Bah oui. Le Grand Prix de Miami de F1 Academy ce week-end qu'elles n'ont pas pu faire, ils l'ont reporté. Bah oui. Donc voilà, c'est pas pareil. Ah, c'est chaud. C'est pas la même gestion, quoi. Une sous-catégorie de Formule 4 a ses courses qui sont reportées et la Formule 2, l'accès direct à la Formule 1 n'a pas le droit d'avoir ses courses de reportées. Donc voilà, c'est assez terrible. Voilà, je vais essayer de refaire un petit dernier tour sur les chats. Pardon? Non, pas ces chats, la strigoune. Ah oui, j'ai eu peur. Le chat. Il miaou. J'ai pas besoin d'être autorisé par le père, donc non pour le conflit d'intérêts. Oui, mais tout... Non, oui, pour les questions du conflit d'intérêts, enfin... C'est difficile d'imaginer le président de la FIA avoir une influence jusqu'au pilote, quoi. dans de très très rares cas, on pourrait dire qu'effectivement Balestre et Prost en 89, il y a eu quelques acquaintances, mais c'était une autre époque, tout ça. Et puis non, c'est surtout que maintenant, il y a des rôles qui sont beaucoup plus définis au sein de la Formule 1. C'est-à-dire que il va y avoir plusieurs personnes chargées de la direction de course en Formule 1. Mmh. Et en termes de conflit d'intérêts, si à la rigueur, j'aurais pratiquement plus peur d'avoir Suzy Wolff, par exemple, à la tête de la FIA. Et encore, je pense que c'est quand même... comment dire ? Il faudrait que, pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il faudrait que Toto Wolff communique énormément de données à Suzy Wolff pour qu'elle puisse faire quelque chose dans l'intérêt de Mercedes, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est pas juste « Ah, au fait, tu peux légaliser ça. » Ouais, pas de souci. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que cela, donc ce serait difficile. Je vois pas en quoi. Je pense pas que ce soit vraiment possible que. Alors oui, effectivement, quand tu penses comme ça, tu te dis attends, il y a le père, le président de la FIA, il y a le fils en tant que pilote. Je comprends que, c'est légitime de se dire, faut faire gaffe au conflit d'intérêts dans ce genre de cas. Ça, c'est normal, c'est même sain en fait de se poser la question. Après. La réponse, clairement, comme tu dis, je ne vois pas comment le président de la FIA puisse influencer directement le bien fondé pour un pilote en particulier. Enfin, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas imposer des règles. Tu as des dizaines et des dizaines de réunions maintenant. Le président, il a plus un siège, entre guillemets, qu'un pouvoir décisionnel absolu. Ce n'est pas une monarchie absolue, hein. Ouais, c'est pas comme Lawrence Stroll chez Aston Martin pour le fiston, quoi. C'est-à-dire président de la FIA ne s'occupe pas que de la Formule 1. C'est une petite chose parmi énormément d'autres. Alors certes, c'est une des plus grandes choses, mais c'est justement pour ça qu'il y a des personnes qui sont déléguées. Mmh. À cela, d'ailleurs, je ne sais même plus qui est le délégué... responsable de la Formule 1, mais c'est même pas MBS qui s'en occupe directement. MBS, on le voit tous les week-ends, mais parce qu'il a envie de se montrer. Jean Todt, on le voyait jamais sur les Grands Prix. Il devait se pointer une fois de temps en temps pour serrer 3-4 paluches. Discuter avec les copains. Voilà, mais MBS, c'est le premier à aller accueillir les pilotes à la sortie des voitures. C'en est gênant. Les pilotes ne peuvent pas le blairer. Ils font tout pour l'éviter et lui il va leur sauter dessus. Non, c'est terrifiant. C'est terrifiant et c'est malaisant le niveau de il faut que je me montre, il faut que je m'affiche. Quand c'est comme ça, ça veut dire vraiment que tu dois. C'est-à-dire que en fait, ça veut presque dire que tout le monde, personne te respecte réellement, quoi. Alors, c'est peut-être pas forcément une notion de respect, mais il y a quand même une notion de. Légitimité, les gens ont du mal à le rendre légitime à sa place. J'entends personne dire du bien de lui, quoi. Si tu veux, Flavio, c'est ça, et donc Flavio du coup, Briatore, en gros. Excuse-moi de t'interrompre, Flavio Briatore, on le déteste à un point pas permis, mais il y a énormément de gens qui le respectent. C'est ça. Il est détestable, mais aussi respectable. Pour tout ce qu'il a apporté à la Formule 1, alors, donc en bien ou en mal d'ailleurs. Voilà. Ça, alors que MBS, j'ai oublié de t'envoyer le lien du chat. Parce que c'est vrai un peu comme ce que John Smith s'y dit, ouais. Le dernier message qu'il a envoyé, ouais. Ça peut tu peux me le lire ? Ça me rappelle Macron avec Mbappé qui dit. Parce que je connais le foot, ça. Ouais, c'est ça, ouais. Je t'envoyais le lien des chats combinés, ce sera plus simple pour suivre. Ah oui, merci. Parce que c'est vrai que vu qu'on passe plus par les mêmes plateformes, c'est un peu pénible. Cambriator, président de la FIA. Oula. Alors là, par contre, le Alonso champion du monde, ça arrivera. Cambriator, président de la FIA. D'ailleurs, ça allait être un autre petit sujet, mais on va le ramener maintenant. Alpine Alpine a regardé toutes les caméras qu'ils ont pu croiser dans les yeux. Ils ont dit « Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. » Si vous avez la référence à South Park. « Nous sommes désolés. » Ah, je ne l'ai pas, là. « Nous avions effectivement peut-être maltraité Fernando Alonso. Et si jamais il a besoin de nous, eh bien, nous serions prêts à le recevoir chaleureusement. » Et oui, parce que maintenant, il y a Flavio. Il y a Flavio. Tu m'étonnes. Et là, bien sûr que Nando, il pourrait venir moyen. Moyen. Je ne sais plus c'est dans quoi, dans quel épisode de South Park que nous sommes désolés. Je t'ai pas envoyé le post sur Instagram où t'as un mec qui a repris la photo de Alonso, Oscar Piastri. Ouais. Et le troisième, je sais plus c'était qui. Putain, c'était. Attends, tu me l'as envoyé où, t'as dit ? Sur Instagram, normalement. Alors, je sais plus si c'était sur Twitter ou sur Blabla, mais... Je vais pas pouvoir faire montrer. Ça va être compliqué, la strigoune, pour faire montrer. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Mais attends, c'était la photo des pilotes de l'époque, là. En fait, il y en a plus un, en place. Ah, mais chez Alpine ! Oui. Ocon, Piastri, Alonso, oui. C'est très, très drôle. C'est très, très drôle de... qu'ils ont tous dégagé assez rapidement et qui se portent tous beaucoup mieux maintenant que qu'ils n'y sont plus. Bah, qu'ils sont partis de ce merdier. Ouais, c'est exactement ça, bordel. Donc, c'est formidable. Ah, je l'ai retrouvé. Je sais tellement plus le contexte de ça. Allez, on est là pour s'amuser. De toute façon, on n'est pas là pour parler sérieusement parce qu'on n'est pas sérieux du tout. Donc, Non, clairement pas. Je vais être honnête. Aujourd'hui, j'ai finalisé un gros script pour une vidéo un peu chiante. Plus technique, tout ça. Et au lieu de la tourner, j'ai passé tous les 6 heures de spa à faire un générique. Ah voilà. Effectivement. Alors. Profondément désolé. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Voilà, c'est ça. Nous sommes désolés. Oh mon Dieu. Désolé. Nous sommes désolés. Donc voilà, t'imagines Alpine qui était comme ça devant. Nous sommes désolés. Désolé. Bordel, qu'est-ce que j'adore ce truc, connerie. Oui, vraiment désolé. Les trois sont partis, effectivement. Ah, c'est pas possible. C'est formidable. Voilà pour le petit instant rigolade. Et Flavio est en place et on peut parier combien de temps avant que Gasly saute. On va revenir dessus dans quelques instants. En attendant, petit passage pour dire que Alex Dunne a fait ses débuts en Formule 1 avec des Formule 1. Clic, c'était les Backstreet Boys la suivante. J'ai même pas fait gaffe. Et avec Mylène pour voir ça. J'ai même pas fait gaffe aussi. You are c'est du génie. My fire, the one desire. Allez, ensemble. Believe when I say I won't be that way. Allez, c'est bon, vous la faites. Tell me why. Pardon. Trop. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, hein. Vous êtes naturellement dans les FMG Night Fever et on est en train de chanter des Backstreet Boys. Bien entendu. Voilà, je disais Alex Dunne qui a fait ses premiers roulages en Formule 1. Alex Dunne qui est protégé McLaren depuis pas très longtemps, depuis l'année dernière si je dis pas de bêtises. Oui. Jeune pilote irlandais pour vous dire, est le champion notamment de Formule 4 britannique et qui est actuellement meneur du championnat de F2, qui a aussi fait second en GB3 en 2023. et qui, ma foi, est plutôt intéressant. Alors, malheureusement pour lui, faut pas qu'il soit trop exceptionnel cette année parce que ça va être difficile de trouver une place en Formule 1 chez McLaren l'année prochaine, à moins qu'un des deux pilotes dégage. Je crois que Piastri a été prolongé avant le début de saison. Donc, je crois, oui. Donc finalement, est-ce que Norris partirait rejoindre Maximus chez Red Bull? On verra. Avec Alex Zune, on n'est pas sorti du sable. Yes. Alors ça, ce genre de choses, ça me rappelle que je ne suis jamais assez préparé pour ça. Oui, c'est vrai. Bien joué, très bien joué. Voilà, je voulais passer au petit passage lecture parce que il s'est passé des choses dans le monde de la Formule 1. Ah si, quand même, un petit mot quand même. Parce que merci Bimaxen qui a roulé ce week-end. Ah oui. Oh là là. Mais oui. Vraiment, hein. Franck, comment c'était déjà? Putain. Qu'est-ce que j'aime ce pilote? Enfin, quand je dis j'aime ce pilote, c'est pas dans le sens je suis fan ou quoi, mais il me vend du rêve. Il sort tellement du lot. C'est, enfin, ouais. Il sort du lot dans le sens voilà. Verstappen a roulé. On n'a pas les images ici chez Auto Hebdo, mais il a pris part à un essai avec dans une Ferrari sur le Nordschleife, avec voilà une Ferrari 296 GT3. Donc voilà, séance anonyme. Et alors j'ai envie de retrouver les images quand même parce que il fait une séance anonyme sous un pseudo. Et il arrive avec cette voiture anonyme. Et est-ce qu'on a des photos? Enfin, il a sa combinaison Max Verstappen, il a son casque Max Verstappen, sans les sponsors Red Bull, naturellement. C'était une Ferrari Red Bull, hein, quand même. Oui, donc naturellement, pour des questions de droits, de sponsors, etc., il ne peut pas, mais voilà. Voilà, il s'est pointé comme ça et son pseudonyme c'était James Smith, tu vois, enfin ou ce que tu veux, voilà. Khaled McGregor, tu vois. Voilà, je suis en train d'essayer de penser au nom le plus lambda, tu vois, Charles Edouard, enfin ce que tu veux. Il a fringué comme ça sur la Nordschleife. Mais voilà, c'est très drôle et c'est très cool parce que c'est. Bah, c'est un de ses gros projets aussi à Verstappen qui voulait porter au goût du jour. Mais donc, Verstappen, il est fada d'endurance. Hein. C'est un mec, quand tu l'entends parler avec, je crois qu'on l'a regardé ensemble, je ne suis pas sûr qu'on en ait parlé en live ensemble de ça, mais tu sais, tu as l'interview qu'il a avec Coulthard de mémoire. Ah, ça me dit rien. Où tu as Coulthard qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais en dehors? Voilà, quelles sont tes passions en dehors de la course ?» Et il dit, bah moi c'est Sim Racing. Ah bon, mais en fait, tu pars de la course pour faire de la course. Il dit oui, parce qu'ils ont une autre vision des choses, etc. Et en plus, l'endurance, c'est quelque chose qui m'intéresse de fou, machin. Moi, il ne le cache pas que son envie, c'est de faire après de l'endurance, aussi bien les 24 heures du Mans que justement les 24 heures du Nürburgring, où la GT3, il en est un. Tu regardes quand il fait du iRacing, justement, quand il fait du Sim Racing, il ne fait pas de la Formule 1, il fait de la GT3. C'est un pilotage différent, c'est une approche différente. Ouais. Non, c'est très intéressant et surtout, je suis curieux de savoir à quel point ce qu'il fait, ça va avoir un impact dans le futur. Parce que tu sais, on pense à tous ces pilotes qui ont plus ou moins directement révolutionné le sport. Tu vois, je pense par exemple à Schumacher qui arrivait avec une condition athlétique. Personne était comme ça avant. Alors, il y avait quelques pilotes. Je parle souvent de Jackie Stewart, Stirling Moss, Jim Clark, qui étaient des grands sportifs, mais grands sportifs dans le sens où ils tenaient une bonne condition physique pour piloter, mais Schumacher a porté ça à un autre niveau au point où ça finit par devenir un standard. comme ça a pu être le cas pour d'autres pilotes. Je pense par exemple aussi Senna, l'intensité avec laquelle il s'investissait, il pilotait de manière parfois considérée dangereuse, mais ça a aussi formé une toute nouvelle génération qui a appris le sport automobile avec une passion comme on n'avait jamais vu, quoi. Donc, il y a eu vraiment des pilotes à chaque génération qui ont pu apporter de nouvelles choses. Et je ne sais pas si Verstappen, est-ce qu'indirectement, il va aussi mener ce changement, en quelque sorte. Parce que, je me rappelle encore, j'en ai déjà parlé, je crois, je ne sais plus si c'était en 2015 ou 2016, une de ses toutes premières saisons, il avait fait un dépassement vraiment incroyable à Monza, je crois. Il me semble que c'était Monza, mais je confonds peut-être. Mais en tout cas, quand on lui en a parlé, il a dit « Ouais, j'ai fait le même au simulateur, en jouant en ligne. Du coup, je savais que je pouvais le faire. » Et c'est assez incroyable de se dire « Mais putain, parce qu'il l'a fait dans un jeu vidéo, il le fait en vrai. » Et déjà, ça permet de donner un petit peu plus de crédit au sim racing. C'est ça. C'est ça, en fait. Non pas que j'y porte un crédit particulier de mon côté, mais juste pour dire que quand c'est pris professionnellement par des pilotes, des gens qui s'y investissent vraiment, tu as une vraie approche professionnelle qui peut se rapprocher du pilotage. Tu regardes, je sais que Ocon aussi, beaucoup moins populaire, mais il faisait énormément de sessions en ligne, il jouait énormément sur des lobbies, je crois que c'était beaucoup plus sur Gran Turismo, si je dis pas de conneries. Mais c'était un bon partenariat avec l'époque. Je crois que c'est encore le cas. Ouais, peut-être, je sais pas. Je sais que. Ouais. C'était pas sur le dernier, c'était faire sur ça vraiment à ses débuts en Formule 1, un peu avant. Ouais. Voilà. Ouais. Mais Ocon, ouais, c'est un très grand fan, comme il dit Bimax, justement, c'est un très gros fan de Gran Turismo. Et ouais, je crois qu'il avait carrément été partenaire pendant un temps, surtout sur Gran Turismo Sport. Alors je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Peut-être avec un peu plus de parcimonie, mais oui, c'est. C'est quelqu'un qui a prôné aussi vachement le Gran Turismo parce que c'est aussi une plateforme de jeu qui est respectable, entre guillemets, qui force le respect. D'accord. Honnêtement, j'avais revu encore une interview justement de Verstappen où on lui disait, mais pour toi, qu'est-ce qui manque pour le sim racing pour que ce soit crédible? Il dit, non, il n'y a pas de question de crédibilité. Le sim racing est différent parce que ce n'était pas du tout la même chose entre faire du simulateur et faire de la voiture. Et la principale différence, c'est justement déjà que tu n'as pas la notion de danger, ce qui est logique. Voilà, tu perds dans un jeu vidéo, c'est pas grave, tu redébranches la console, tu redémarres la console, c'est parti. Quoi. Quand Verstappen rageait en ligne, tu le voyais aller se cracher dans les autres. Ouais, voilà, c'est ça. À pleine charge, quoi. Voilà, tu rages, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, Au final, qu'est-ce qui est différent avec la réalité Léger. Ouais, léger. Ah oui. Non, mais... Bah oui. Non, quand mais je parle de Verstappen qui se crache dans les autres pendant qu'il est en train de rager. Ouais, non, en fait, c'est comme en vrai. D'accord, t'as gagné. En fait, finalement, c'est pareil. Non, mais oui, disais, c'est le ressenti. Déjà, t'as pas le ressenti direct. Le ressenti de la voiture. C'est tout dans les mains, pas dans le corps, quoi. C'est ça, léger latéraux, longitudinaux, tu ne sens pas tout ça. Et c'est ce qui manque cruellement. Et il dit, t'as beau mettre des systèmes de pilotage sur V1, ça coûte très très cher. Mais ça ne suffit pas clairement à te faire ressentir les 5G que tu peux prendre quand tu vas faire le raidillon, par exemple. Voilà. Il disait que c'était de la daube. Ouais, voilà, en tout cas, pour bien piloter. Ça n'aide pas. Ça te permet d'avoir des ressentis, mais ça ne t'aide pas à perfectionner le pilotage en sim racing. Grosso modo, le mec qui avait son siège de bureau, qui l'a bien fixé au sol, c'est bon. Lui, il n'est pas emmerdé. Celui qui s'amuse à mettre des trucs sur V1, c'est sympa parce que là, il passe un bon moment, parce qu'effectivement, tu tiens un plaisir qui doit être meilleur que quand tu es fixé. Mais je ne suis pas sûr que tu sois meilleur, que tu sois plus rapide. Alors, petite page d'histoire, parce que j'ai dû le Google, effectivement, je ne l'avais pas relevé. Vous m'avez dit... Alors, est-ce que je retrouvais ? Voilà. Son pseudo qu'il avait pris, c'était Vranzerman. Max Vranzerman. Franz, ouais. Bon, alors, Vranzerman, né en Saint-Empire et mort le 2 septembre 1328, est un pseudo-cardinal allemand du XIVe siècle, créé par l'antipape de Pise, Nicolas V. On en apprend tous les jours grâce à la Formule 1. Voilà. Bah écoute, oui. Non, mais je les trouve très très chouettes, hein, ces tutus. Voilà, je fais un petit défilé de photos. Mais ouais, ouais, ouais, là, on voit bien là, le Franzerman sur. Et qu'est-ce qui sont plus chouettes, les casques sans les 3 millions de sponsors, c'est fou. Hein. Ah bah c'est indéniable. Ouais. Ah ouais. Même la Ferrari, elle en jette comme ça. Et c'est de la Team Redline. Petite dernière nouvelle, du coup, cher Strigone. Il y en a un autre qui a été tranché dans le vif et mis au placard. Ah. Oliver Hawks, oui. A démissionné. Alors, c'est assez cocasse. Mec, oui. J'ai une question, du coup. Parce vas-y, qu'en vas-y. Fait, pense que parce ça que j'aime y aller doucement quand il y a des, surprises. Bah, vas-y, vas-y. En vrai plus ça avance et plus je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai une réponse. Vas-y. Next Gen Auto. Pub. Mais on va Merci. Passer la pub. Ouais, quand même. Dernière minute, le frère d'Oliver Hawks mis en détention provisoire. Plus t'avances dans les nouvelles de chez Alpine, plus c'est n'importe quoi. Alors là, c'est une pub. On vient d'apprendre que le frère d'Oliver Hawks, ancien directeur de Alpine, a été arrêté il y a quelques jours avec une énorme somme d'argent sur lui et a été accusé de transfert de biens illicites par la police britannique. Hawks a démissionné de son poste de directeur d'Alpine mardi soir, tandis que son frère a été arrêté jeudi dernier avant d'être inculpé le lendemain. C'est peut-être la raison personnelle qui a poussé Hawks à démissionner. Donc, oui. C'est écrit par Frank Druid de Next Gen Auto, mais sachez que ce peut-être a été répété chez différents médias. Oliver Hawks s'est depuis envolé pour Dubaï, car il semblerait également que certaines voitures de high-tech aient été saisies à leur retour du Moyen-Orient. Ça, c'est une pub. Mais là, pour le coup, on peut regarder les pubs parce qu'on est littéralement en train de lire leur contenu. Hein. Williams oui, Hawks oui. est toujours en détention et était en possession d'une importante somme d'argent liquide lors de son arrestation. Alors, je sais pas s'il faut dire bordel de merde ou s'il faut dire Camoulox, en fait. C'est quand même impressionnant, là, quand même, comme truc. Et pour un peu plus de contexte, il figurait parmi les administrateurs de High Tech Grand Prix, dont la société dont Oliver Hawks a pris la pleine propriété 9 jours seulement avant l'invasion russe en Ukraine. Donc il détient des liens étroits avec Dimitri Mazepin, et jusqu'à 9 jours avant l'invasion, elle était détenue à 75% par Mazepin. L'entreprise a été initialement créée par blablabla. Donc tout ça pour dire que les voitures de high-tech en F2 et F3 ont été saisies. Voilà plus ou moins le bordel. Il y a que... Alors, on vous rapporte les faits. Comptez pas sur moi pour rentrer plus en détail sur les spéculations et tout, parce que c'est vraiment pas mon milieu, mais alors, je trouve ça formidable. Moi, en fait, moi, ce que j'ai envie de te dire, Mick, parce que t'ajoutes tout le bordel à Alpine, oui, avec oui, c'est ça. Le futur rachat présumé par Hightech, hein. On rappelle Oliver Hawks. Paul Aron, l'arrêt des moteurs Renault pour Mercedes. On prépare le terrain pour la vente de l'équipe à Hightech. Et là, maintenant, on a ça. C'est incroyable. Attends. Moi, ce que je me dis, c'est que là, comme il dit le good car, il n'y a que Alpine qui peut avoir ce genre de news de fou. Et je sais que... Enfin, je suis pas... Tu sais que je ne suis pas beaucoup sur Twitter... Mais là, je regrette de ne pas y avoir été jeté un œil, parce que je pense que la Fédé de la Louse a dû se régaler face à ce genre d'infos, parce que c'est vraiment de la loose à la Alpine, quoi. Je vais aller voir ça. Je pense qu'ils ont dû se régaler, les mecs. Je saurais pas te dire si c'est vrai, si c'est vraiment le cas, mais ça fait peur, quoi. Sans déconner, ça fait vraiment peur. C'est oui, bon, c'est atroce parce que il y a pas de mots en fait. Parce que là, franchement, c'est pas juste un coup de comment dire. Allez, on va virer tel pilote parce qu'on préfère l'argent de celui-là, et puis finalement on n'a jamais voulu lui, etc. C'est vraiment un coup de, enfin de trafic d'argent, quoi. Oui, oui. Vraiment, c'est un tout autre niveau, quoi. Détournement de fonds, etc. Enfin, blanchiment, tout ce que tu puis imaginer, les ouais. films de gangsters et tout, quoi. Donc ça me voilà. Alors. Je ne vous ai pas vu tweeter sur Oliver Hawks, visiblement. Ouais, non. Bon, ceux qui s'en foutent. Ouais. J'ai fait la recherche et tout. Bon, je suis déçu, je me désabonne. J'étais pas abonné. voilà. Ça me rappelle les grandeurs de colonies en Formule 1. Oui, exactement. Alors, je ne connais pas l'histoire par cœur, mais c'était justement l'équipe qui était arrivée pour blanchir... pour blanchir des fonds, quoi. Ils ont X. Bah, si jamais vous avez le lien, balancez-le. On va essayer de le récupérer. Ah, d'accord. Merci. Je viens de voir le message, tu l'as mis, mais j'allais le récupérer. C'est sûr, tu l'as mis sur le Twitch. Hop. Osef du Pape, on a l'histoire du siècle, là, c'est quoi ce bordel? Tu vois, voilà, c'est ça. ouais, ils ont mentionné Hawks, mais ils ont retweeté, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Transfert de Via Cridel, c'est incroyable. Envoyé pour de vrai, bref. C'est génial. Non, mais moi, je vis pour ce genre de choses, hein, vivement. Vivement, vivement. Allez, petite transition. Pour passer un petit peu plus dans le vif, sans mauvaise idée. Trancher dans le vif, bien entendu. Hein. Télécadeau. Formule BlaBlaCorp Limited te propose de gagner des lots incroyables en rapport avec la Formule 1. Participe au tirage au sort pour peut-être gagner un lot de la catégorie 2. Un Bob Ayrton Senna, l'album Private Paradise de Jacques Villeneuve, une casquette officielle Williams Racing, un poster de Lance Stroll, c'est qui Lance Stroll ? L'album organique de Rémy Alguersari. Pour s'en mettre plein les euros. Désolé, j'ai oublié qu'on était plus sur la même plateforme et qu'il fallait que je fasse manuellement les transitions. C'est plus comme avant. Ouais. Ça a changé, ah bah formule oui. Blabla. Ça a changé. Ça a changé. Le blabla, il a changé. Oui. On me demande si c'est une blague. On me demande si c'est une blague. Mais c'est jamais une blague. Alors, nous sommes toujours très sérieux chez Formule Blabla Corporation. Corpo Limited. Eh ben, écoute, fais la promo du nouveau lien qui est en description. Bah, allons-y. Ah, bah oui, parce que le mec. Ah, oui, d'accord. Bah, écoutez, il est vraiment en description de YouTube ou pas? Ah, oui, oui. Ah, tu t'es pas raté. Alors, bon, bah, oui, mais pour les copains qui sont sur Twitch, bah, alors, allez sur YouTube. Hein. Vous verrez, il y a le lien en description et vous pourrez du coup participer à ce nouveau télécadeau catégorie 2. En sachant que Mick aussi a fait le partage sur Twitter de mémoire. C'est sur le Twitter, ouais. C'est sur le Twitter aussi, donc voilà, n'hésitez pas, venez participer. Bah là, la vous tirera au sort et on vous fera un petit. mec, tu sais que ça va faire 50 ans que j'ai pas sorti le truc pour la boîte mail de. L'album de Rémy Alguersuari. Oui, donc il faut refaire les inscriptions pour ceux qui étaient déjà inscrits parce que les premières inscriptions remontaient à il y a 4 ans, à peu près. J'exagère. Mais il y a pas mal de comptes morts. L'album de Jacques Villeneuve, naturellement, juste ici. Voilà. Et le Bob réversible Ayrton Senna. Voilà. Mec, c'est que des produits officiels. Et le poster collection limitée de Lance Stroll, je l'ai pas ici, il est encore sous-scellé dans le petit tube et tout. Ah ouais, carrément. Putain, il a, ah le oui, mec, il a gardé le truc sous blister. Oui, non, mais je n'allais pas le sortir du tube, c'est un poster. Ah non, mais en vrai, t'as raison. Bonsoir, monsieur Alex, le cadre. Donc, oui, non, c'est très très sérieux. Hein. Attends-moi, s'il te plaît. Il y a eu un investissement pour faire ces cadeaux de merde. S'il te plaît. Inscrivez-vous si vous voulez tenter d'avoir un cadeau de merde en rapport avec la Formule 1. On fait les tirages au sort pendant les émissions. Et puis voilà. Et puis des fois, il y en a qui gagnent. Voilà. Et plus souvent, il y en a qui ne gagnent pas parce qu'il y a généralement. Il y a du monde hein, qui participe. De perdants que de gagnants. Ouais. Quand la casquette Kit Kat Cadillac. Oh purée, il y a un autre truc. Alors, j'avais un super t-shirt, mais qui s'est fait cancel. Fais-moi rire. Non, pas celui-là. C'est des nouveaux. Ah ouais? Ouais, il s'est fait cancel parce que je pense que c'est parce que j'avais dessiné une Formule 1 et qu'ils n'avaient pas aimé. Oh. Mais sachez que sur le Formule Blabla Shop, lien également en description, vous pouvez également soutenir la loose à la française avec la nouvelle catégorie Trancher le Vif. Magnifique. Donc voilà. Oui, tu perds pas le temps, toi aussi. Tu perds pas de temps. Mais non, le temps n'est pas perdu. Le vif doit être tranché. Le vif a été tranché. Donc voilà. Vos petites casquettes, vos petits mugs, trancher le vif. Oh, j'ai tellement envie d'acheter. Tu casses les couilles. Ouais. Et j'ai pas de thunes, mec, en ce moment. Tu casses les couilles. On n'a jamais de thunes, Strigoun. Oh, bah, personne n'a jamais. Est-ce que je retrouve... suis cadre. Et voilà le dessin qui a été cancel, je pense. C'est en hommage au futur Grand Prix du Canada, le champion des murs. Voilà. Bien sûr. On a le mur des champions, on a le champion des murs. À ne pas confondre avec ce mur avec le petit chapeau. Là, c'est celui qui part le dimanche à la cueillette avec son petit seau. Enfin bon, c'était la petite transition du moment. Je propose, de toute façon, on va repasser en partage dans quelques instants, un petit retour sur le Grand Prix Miami, si vous le voulez bien, parce que j'ai pas eu le privilège de le faire cette semaine par manque de temps, manque d'énergie, manque de volonté et parce que mon chat est malade. Oui. C'est un petit chat. Surtout que tu n'avais pas strict pour venir t'aider à faire les générateurs 2000. Mais non, alors en plus, ils étaient buggés cette semaine. Ah bon ? Ouais, et j'ai dû me faire chier. Non, parce que je me suis dit que j'allais pas te faire chier pour ça. Et j'ai préféré me faire chier. Justement, j'ai perdu du temps à les refaire. alors. Tu me demandais. Ouais, non, mais tu sais, derrière mes airs méchants, je suis un petit être sensible, Strigoun. T'inquiète, hein, mec. J'ai le droit de geeker, hein. C'est pas parce que maintenant je me suis installé avec ma compagne que. Ouais, non, c'est bon, hein, je les connais. Hein. Les gars, c'est les potes, bros before rose, et dès l'instant que c'est casé, je suis désolé, ma copine, elle veut pas. Attends, non, mais ce soir, c'est pas possible. On va aller au théâtre. Mais vous êtes tous les mêmes. Vous êtes tous les mêmes, canard. Putain, oh alors là. L'autre. Attends, canard, c'est le premier à me dire, et après c'est le premier à faire de canard avec ses putains de chats. L'autre, il a acheté des traceurs pour ses chats. Attends, alors, On dit pas ce genre de choses. En vrai, j'avoue, c'est mignon, par contre, en vrai, pour les tracer. Par contre, il y en a vraiment un, il se branle les couilles. On va pas se mentir. Cacahuète, en fait, ce qu'il y a, c'est que tous les soirs, vers 22-23 heures, Saucisson, il se met à hurler à la mort parce qu'il veut se balader. Et ce qu'il y a, c'est que je le laisse toujours se promener dans l'allée. Mais ce qu'il y a, c'est que ce salopard, il hurle à la mort dans l'allée aussi. Oh, le bâtard. Oui, parce qu'il veut vraiment sortir de fou, quoi. Ouais, et puis il veut aller chez les voisins. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais laisser sortir. Je sais que la nuit, ça craint pas des masses. Et j'ai envie d'aller les chercher et qu'ils se perdent pas. Donc, oui, j'ai acheté des traceurs. C'est bon. Allez. En vrai, c'est bien. Ouais, c'est bien. Joss Mims, ce soir, c'est pas possible. On doit regarder Top Chef avec ma meuf. Voilà, c'est exactement ça que je pense. Oh putain. Allez, petit retour rapide sur les. Donc, t'as fait ça à la main alors, du coup, c'est ça? Oui, non, t'inquiète. Mais ça, c'est toujours à la main. Donc, victoire d'Oscar Piastri devant Lando Norris, George Russell. Max Verstappen est quatrième. Alex Albon, meilleur résultat de Williams depuis la prise de la Bastille. Andrea Kimi Antonelli était sixième après avoir pris la première non-pole position de sa carrière. Charles Leclerc, septième devant Lewis Hamilton dans un super week-end Ferrari. Sainz, neuvième. Yuki Tsunoda qui continue de prouver qu'il est bien meilleur que Liam Lawson avec le point de la dixième place. Et attention, est-ce que ça va fonctionner maintenant la transition? Parce que ça me fait très très peur. Dis-moi que ça va marcher. Ça n'a pas marché. Génial. Et ben on va faire ça à la main. Oh putain. Hop. Voilà, petit point sur le championnat avec Oscar Piastri qui a 16 points d'avance et 32 points d'avance sur Verstappen. C'est costaud. Russell qui est pas loin de Maximus. Et ensuite, dans un autre monde, on a Leclerc à 40 points de la quatrième place. Ça pique un peu pour les Ferrari. Après, on rappelle qu'ils ont perdu aussi des bons petits points à Shanghai. En Chine. Ouais, ils ont perdu la merde. Antonelli qui devance le pilote qui l'a remplacé chez Mercedes. Hamilton devant Albon, qui fait un très très bon début de saison. Je pense qu'on en parle suffisamment, mais faut le souligner. Ocon 9e, Lance Stroll, qu'est-ce qu'il fout là? 14 points, il marque des points dans les deux sprints. Il a marqué des gros points dans le Grand Prix bordélique de l'Australie quand son coéquipier s'est foutu dehors. Ce week-end, Alonso, ça a été un peu bordélique pendant la sprint, avec la collision avec Lawson, même si, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, c'est quand même un peu plus, je mets un peu plus le blâme sur Lawson, mais d'un autre côté, bon, quand tu as plus de 400 Grands Prix à ton actif, tu peux à peu près te douter que ça va mal finir dans ce genre de configuration quand tu es face à un gamin désespéré. Et, et un beau petit tête à queue pendant la course, comme ça, parce que il se faisait chier. Je pense qu'en fait, tu sais, il était en mode petit souvenir, petit flashback de l'époque 2006. Et là, il s'est rappelé qu'en fait, il n'y a pas le TC. Il a fait « Ah merde, c'est vrai !» McLaren a 105 points d'avance sur Mercedes au championnat du monde des constructeurs. 141 sur Red Bull Racing et les autres n'existent pas. On peut s'attendre à ce que la lutte dans le milieu de peloton se joue pour la cinquième place, hein, de toute évidence, même si Williams a une très belle marge grâce aux très bons résultats de Albon, justement. As, je pense que s'ils arrivent un peu à mettre les choses bout à bout, comme disait Komatsu, ils pourraient vraiment la zioter de très près. Aston Martin qui se retrouve là, mais on ne sait pas vraiment comment. Hein. Les points d'Austral, encore une fois, c'est du miracle. Parce qu'ils sont clairement la dernière force depuis le début de saison. Et quand ils ne le sont pas, c'est parce que kick. Voilà. Racing Bulls avec des gros points de perdu en début de saison. Alpine aussi des gros points de perdu ici et là. Et du coup, Sauber sont bons derniers. Petit instant mathématique rigolote. Si tu additionnes les points de Mercedes et les points de Red Bull, ça fait 246. C'est-à-dire le nombre de McLaren, c'est ouf. C'est-à-dire qu'il faut 3 pilotes pour faire aussi bien que les McLaren. 3,1 quand même, n'exagère pas. Tsunoda a 9 points, je crois qu'il en a mis 3 pour Red Bull, hein. 6 pour RB, ou 5 pour RB. Ah bah oui, tant que c'est là, petit point sur la F1 Academy avec la victoire. La victoire en sprint de Dorian Pain. Devant Alisha dont j'arrive jamais à bien prononcer le nom, Chloé Chambers, Maya Hugh, Nina Gunman. C'était un grand prix, une course que j'ai rattrapée qui était assez rigolote. Mais elle était bien ou pas, en vrai? Ah oui, oui, oui. Non. Il y a juste eu Ella Lloyd qui a fait le strike au départ. Et qui... Ah oui, j'ai vu le départ, oui. Oui, ouais, j'ai vu voilà. Et au championnat, bah, on a une belle petite lutte entre Maya Hugh, protégé Ferrari, Dorian Pain, protégé de Mercedes, Chloe Chambers, protégé Red Bull Ford, qui elle est plus prise sous l'effigie Ford, mais elle court sous le nom Red Bull parce que Red Bull sont plus ou moins obligés. Alicia Palmowski sous les couleurs Red Bull. Larsen, qui est une petite nouvelle, qui elle n'a pas d'académie, mais qui je pense pourrait en trouver une rapidement parce que il me semble c'est une des plus jeunes, si ce n'est la plus jeune du plateau, si je ne dis pas de conneries. Attends, et là, elle a 28 points, mais elle n'a pas d'académie. Ah oui, d'accord, elle n'est pas rattachée à une académie. Oui, parce que normalement, elles sont censées être rattachées à une académie, non? Non. À part obligatoirement? Les constructeurs de F1 sont obligés d'avoir au moins une pilote en F1 Academy, mais tous les pilotes ne sont pas obligés d'avoir tout ça. Ok. Par contre, ils ont des sponsors. Et c'est là que Suzy Wolff a très bien géré le coup. C'est-à-dire que ils vont trouver des sponsors aux pilotes. Donc, c'est MP, pour là, ça par que... Exemple, ça non, MP, c'est l'équipe. Avec eux. Oh la vache. Par exemple, je crois que Nobles est avec Puma, par exemple. Enfin, je dis de la merde, il y en a une autre, c'est Tommy Hilfiger, etc. Ah oui. Donc voilà, ils trouvent des marques pour les sponsoriser, pour payer les baquets. Ce qui est plutôt cool. Il n'y a pas eu de course principale, comme j'ai dit, parce que la pluie était trop forte. Capucine, si Dorian Punk ne gagne pas cette année, sa carrière sera finie. Elle a déjà bien entamé sa carrière, Dorian Pain. C'est peut-être la pilote la plus confirmée, hein, je pense, du plateau F1 Academy. Et quand je dis la plus confirmée, pas spécialement en monoplace, mais la plus confirmée dans le sport automobile, parce que elle était prise très au sérieux en LMP2 chez Prema, quand même. Hein, ouais. Elle roulait dans les mêmes temps que Dani Kvyat, notamment, et d'autres pilotes dont j'ai oublié le nom, mais que je ne connaissais pas particulièrement. Voilà, elle a fait du très bon boulot aussi avec la Iron Dames. Si elle finit pas en monoplace, elle trouvera très facilement du boulot en endurance sans aucun souci. Elle a pas participé aux Iron Dames? Non, peut-être pas. Hein. Mais il me semble que si, justement. Je suis en train de me poser la question. Peut-être que quelqu'un dans le chat pourra me confirmer, mais il me semble qu'elle avait fait les Iron Dames aussi. Hein, donc, c'est-à-dire l'équipe oui, en semble, GT3. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça. On va faire un petit point équipe par équipe. Hein, sera comme ça. Alpine. Pierre Gasly, Jack Doohan, pardon, la course finie au premier tour. Carrière finie au bout de 6 Grands Prix. C'est plus que ce qu'on espérait. Un peu plus, parce qu'on croyait qu'il serait remplacé à Miami. Donc bon. Voilà. Pierre Gasly, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, c'est-à-dire pas grand-chose avec rien. Chez Aston Martin, c'est exactement pareil. Hein, les deux pilotes un peu à côté, même si on note les différences en stratégie avec Alonso qui a commencé en pneu dur, mais qui était quand même plus rapide que Stroll. Attends, mais ils ont fini la course. Oui. Pourquoi la jauge n'a pas été jusqu'au bout? Il y a eu un bug là. Ah oui, non, mais je t'ai dit que c'était bugué. Ah oui, d'accord. J'ai même dû réécrire les numéros des arrêts à la main parce que ça mettait n'importe quoi. Ah merde. J'ai dû les refaire sur Photoshop les jauges. Oh putain. Bah, niquer ma soirée, c'est rigolo. Je pense que c'était le truc qui était bugué. Enfin, le Grand Prix, je sais pas. Enfin, Alonso, c'était à la fois. Ah, tu regardes, hein, certes, il met une demi-seconde au meilleur tour de Stroll, mais tu le comprends parce qu'il termine la course sur des stratégies totalement différentes qui avantagent Alonso. Mais les rythmes de course qu'on voit un peu en bas, très clairement, c'est... C'est pareil, hein. Kiff. Oui, y a 5 dixièmes hein, là, entre... Tu recales de 5 dixièmes, c'est la stratégie décalée qui a fait ça. Hein. Voilà. Honnêtement, je pense que le reste du temps... Allez, à la limite, ce qu'on pourrait dire à Alonso, c'est qu'il est un peu plus consistant parce que tu vois que son ventre mou est plus serré que celui de Stroll. Voilà. Évidemment, on peut claquer un titre là-dedans. Mais bon. Ouais, mais les plus mauvais tours de Stroll sont plus lents que les plus mauvais tours d'Alonso. Oui, c'est vrai. C'est où je veux en venir. Oui, tout à fait. Donc, après, c'est normal que oui, Stroll soit un peu plus constant avec un long relais en pneu dur. Que Alonso a été beaucoup plus. A pu attaquer beaucoup plus en fin de course. Il y a eu ce tête à queue, comme je l'ai mentionné en début de course, qui est vraiment pas glorieux. Enfin, c'est un petit peu. C'est un peu tristoun, quoi. Voilà. Ouais. Ferrari. Bon, ça aussi, c'est tristoun hein, ce week-end. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de quoi en faire une généralité sur la saison. Hein. Je pense qu'ils sont au minimum la quatrième force, parfois troisième force, quand Mercedes n'est pas trop en forme ou quand Red Bull n'est pas en forme. Là, c'est juste que ce week-end, ça n'a pas du tout marché. Encore une fois, sur un week-end sprint. D'habitude, Ferrari, ça arrive à s'en sortir pendant un sprint. Par exemple, à Shanghai, ça les avait aidés, mais là... Bah non, parce qu'ils ont été disqualifiés, Strigun, donc ils avaient fait de la merde. Ouais, parce mais le samedi, ça avait été. Oui, mais le samedi matin en sprint, ça a été, mais le samedi après, en qualif, ça allait pas parce qu'ils comprenaient pas la voiture. C'était la merde, mais je pense que c'est peut-être un problème de... Peut-être le poids de la voiture, enfin gestion des, ouais, gestion de la longueur de la course dans sa longévité, quoi, on va dire. Gestion de course. Leclerc continue à faire un très bon boulot. Hamilton un peu à galérer au final. Il y a eu, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé, à la relance, très belle manœuvre de Leclerc sur Sainz pour le dépasser. Oui. Parce que non seulement il le dépasse, mais en plus il le tasse un petit peu pour permettre à Hamilton de revenir et de le passer aussi. Et ça, franchement, si c'est pas du teamwork, je sais pas ce que c'est. Attends, parce que t'avances pas trop, parce que le teamwork, t'as entendu. Hein. Écoute, problème de communication. Je pense que c'est un problème de com' entre les deux, mais je pense que clairement il pouvait avancer. Après, je pense que Vasseur, il a tout dit à la fin, après la course, c'est que quoi qu'il arrive, même s'ils avaient rééchangé plus tard ou je sais pas quoi, que ce soit Hamilton ou que ce soit Leclerc, ils auraient jamais pu rattraper le truc. C'était Antonelli. Ils n'auraient jamais pu rattraper Antonelli devant. Les tours étaient encore trop longs. Hamilton, il en chiait. Leclerc, il était pas mal. Enfin, au début, il était pas mal. Il avait quand même un peu de jus. Ça n'a pas suffi. Leclerc a réussi à rester en son sillage et à le coller. Pas forcément parce qu'il avait. Je pense qu'il avait un meilleur. Il avait un bon rythme aussi, Leclerc, hein, clairement. Et je pense qu'ils étaient un peu tous les deux similaires. C'est pour ça qu'en fait, c'était un peu genre. Un peu chiant, quoi. Et à la fin, bon, ils sont laissés passer. Mais honnêtement, c'est pas logique dans le sens. T'as laissé passer pour faire en sorte que l'autre, il arrive à aller chercher l'autre. S'ils sont tous les deux collés et que t'arrives pas à aller chercher, c'est normal de redonner la place à Leclerc parce qu'il a fait le job quand même derrière. Ouais, moi, ça m'agace qu'on en fasse autant des caisses, c'est juste parce que c'est Ferrari. Ouais, et puis c'est toujours pareil. Enfin, tu vois, on était... comment on appelle ça T'avais Vettel qui disait, tu sais, à l'époque, sous le feu de l'action, de l'adrénaline, en course, ouais. t'as toujours un peu un côté peu plus incisif, un peu plus salé, un peu plus agressif, enfin, qui fait un peu plus tendancieuse, agressive, comme par exemple quand t'as, prenez votre thé aussi, t'en connais ou je sais plus quoi, enfin, il a régalé. Clair, en plus, comment il a sorti la phrase là ? Vous voulez pas que je laisse passer aussi quand il parlait de Sainz à 1.4 derrière ? Sainz sera pas que je laisse passer aussi. Mais j'adore. C'est génial, mais bon, après, voilà. Le souci, je pense, qu'il y a, et ça, tout le monde l'avait vu venir, Hamilton, il a bossé pendant 12 ans avec Peter Bonington, qui est. Aussi anglais, qui est très calme et qui a appris à gérer Hamilton, qui pendant les courses, Je l'ai déjà dit par le passé en vidéo, on a été surpris, mais c'est mon ressenti. Je le trouve un peu paniqué en course. Attention, je ne dis pas qu'il n'a pas le niveau d'être en Formule 1 parce qu'il panique, mais il a tendance à paniquer dans le sens quand quelque chose ne va pas. Comment dire, il y a une petite panique qui s'installe. Je dis pas qu'il perd ses moyens, mais c'est qu'il va avoir tendance à surdramatiser tout ce qui se passe. Oui, c'est ça. Capable de. Et Bono, justement, derrière, il apportait beaucoup de calme. Il savait un peu le remettre en calme, en cale quand il faisait un peu des caisses pour. Il savait le canaliser. Voilà. Voilà. Là, c'est quelque chose que Adami, Ricky, comme l'appelait Sainz, il va devoir apprendre à faire. Et je ne suis pas certain, et là, c'est qu'un ressenti personnel, je ne suis pas certain que l'accent italien, ça aide. Non. Non. Tu vois, j'écoutais... c'est quoi? C'est la 51 qui a gagné tout à l'heure? N'est-ce oui. Pas L'ingénieur français à la radio, ça change tout, hein. Alors je dis pas que c'est mieux parce que c'est français, le we are checking versus la voix plus calme, un peu plus mesurée, c'est, je pense que ça joue pas. Là effectivement, chez Ferrari, c'est Leclerc, on voit qu'il a beaucoup pris sur lui pour apprendre à bosser avec cette méthode de travail. Sainz était un petit peu plus rentre dedans, mais il a appris à s'y faire. Hamilton, je ne sais pas s'il apprendra à s'y faire. Et je pense que c'est aussi à l'équipe un peu de bouger de ce côté, parce que très souvent, les communications radio qui sortent négativement du lot, c'est souvent celle de Ferrari. Alors bien sûr, il y a le narratif FOM qui très souvent se disent « Ah, Ferrari, il se passe un truc pour le mettre en avant. » Mais... c'est pas pour rien non plus que ça continue à se nourrir. Je veux dire, pardon, c'était bizarre, je veux dire, chez McLaren, il n'y a pas ce genre de choses, alors qu'ils ont toutes les raisons d'être exposés. Chez Red Bull, c'est pareil. Chez Mercedes, c'est pareil. En fait, c'est donner du pain béni à la FOM pour qu'on ne se foute encore plus de leur gueule, ou en tout cas qu'on les pointe du doigt, qu'on les mette, qu'on les envoie sur le devant de la scène comme un pilori, en les jetant comme ça en pâture aux gens, en leur disant « Regardez, ce sont des quilles, quoi. » Voilà. Alors que finalement, je ne pense pas que ce soit des quilles, mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de la communication entre... de toute façon, tout le monde en parle. Enfin, je veux dire, que l'ingénieur de Ferrari... Même que l'ingénieur de Leclerc ait changé, c'est mieux, mais il y a encore du boulot. Et pour moi, celui d'Hamilton, Ricky, comme appelé Sainz, comme tu le disais, pareil, lui aussi, je suis désolé, il n'a pas sa place. I'll come back to you, non, c'est pas comme ça que ça marche, quoi, en fait. En fait, c'est surtout que c'est... Si je dis n'importe quoi, c'était Oliberman, c'est pas pareil. Parce que t'as un jeune pilote... et qui va apprendre à travailler avec ses méthodes. Là, Hamilton, 40 piges, 7 titres de champion du monde, 104, 105 victoires, je ne sais plus. Non. Tu ne fais pas ça, quoi. Voilà, c'est-à-dire que tu dois lui présenter un minimum de standing, je pense. Et là, c'est... ça peut pas ça, ouais. C'est ma façon de voir les choses. Bien sûr, je dis pas faut se mettre à genoux devant la diva, parce que Hamilton aussi a tout à fait, et je pense qu'il le fait très bien, faire un travail pour s'adapter à la nouvelle équipe, c'est très important. Mais aussi, il y a un moment, faut que ça aille dans les deux sens, et chez Ferrari, c'est délicat. Après, c'est peut-être une perception extérieure, mais si tout le monde se moque des communications radio de Ferrari, même dans le paddock, c'est pas pour rien, je pense. Mais bon, on va enchaîner. Chez Haas, ça a été une course assez frustrante, je pense, parce que Ocon a fait un super boulot pour la ramener en Q3. Ouais. Sa première Q3 de l'année, malheureusement, il y a eu le fait qu'ils n'avaient pas le rythme à la régulière. En plus de ça, il y a eu la voiture de sécurité qui a joué contre lui. Oliberman... Ah, boum. Bon dernier sur la grille, enfin en qualif, si je dis pas de bêtises. Enfin, en qualif, oui, bah oui, 20e, c'est marqué là. C'est que je voyais 19e sur la grille, c'est parce qu'il y a Gasly, je crois, qui partait des stands. Ouais, ça. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas noté, je suis en train de me dire, donc voilà. Bref. Du coup, Berman, un peu paumé sur la qualif, mais par contre, il avait un très bon rythme de course sur le début du Grand Prix, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'il a eu une panne. Juste un petit mot sur le fait que Komatsu continue d'être très positif. Il pense que... Et il a raison. Hein. As, ils commencent mal leur week-end, en général, mais ils arrivent toujours à bien se rattraper en fin de samedi et le dimanche. Donc, il faut qu'ils arrivent à rattraper cette session de retard, comme il disait. Et ils pourraient être dans le coup, parce que je pense qu'ils sont dans une bonne dynamique. En tout cas, j'ai envie de le croire, parce que je trouve que le duo a une bonne gueule. Komatsu, il a une bonne gueule et ils ont réussi à signer un partenariat avec Toyota. Merde. Kick, bon, pareil, hein, c'est très très compliqué. Bortoleto, c'était peut-être son meilleur week-end en Formule 1. 13e place sur la grille, quand même. C'est sa meilleure qualif. Tout de même. Il bat Hülkenberg pour la 2e fois cette année en qualification. Malheureusement, il a dû abandonner également pour des raisons mécaniques. Hülkenberg, ça a été un petit peu plus anonyme, mais de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de pertinent à dire sur l'équipe à l'heure actuelle. Chez McLaren, bon, bah, si on peut dire deux trois mots, parce que quand même, hein, ils font un doublé, ils éclatent la concurrence. Ah, disons qu'ils leur ont mis 33 secondes, comme ça au moins ça a le mérite d'être clair. C'est nous les patrons, les restes, les autres, vos gueules. Voilà. Je constate qu'il y a une erreur en plus, tu vois. Ça a généré le même temps de qualif. Oh, ah oui, bizarre ça. Ouais, donc je l'avais pas vu. Parce que Piastri a dû le faire Ouais, Piastri a peut-être dû le faire, mais dans une qualif différente, genre la Q2 ou la Q1 ou la Q2. Non, parce que ça aurait mis l'autre temps, donc je sais pas. Ah oui, c'est bizarre. Ça a complètement foiré, en fait. Hein. Le générateur 2000, là... Ouais, on est retourné au 99. Et encore, c'est le 2001.5, hein, Strig. Oui, c'est vrai, en plus. Bah, justement, c'est pour ça. C'est une forte régression, il va falloir qu'on regarde ça. J'allais juste dire, du coup, je trouve plus ou moins regrettable, enfin regrettable oui et non, c'est pas le bon mot que je vais dire, c'est l'habitude de dire ça, je trouve formidable que Piastri, même dans les week-ends où il part pas favori, bah, il ressort gagnant, comme c'était le cas à Jeddah et comme c'était le cas ce week-end à Miami, parce que ces deux week-ends-là, Norris avait un semblant d'ascendant en termes de rythme. Mais à Jeddah, il se met dans le mur. Et là, ce week-end à Miami, bah, c'est la petite boulette. Enfin, la petite boulette, non, mais pour moi, c'est... Bah, disons que tu regardes, par exemple... Bon, déjà, Verstappen n'a pas aidé du tout au départ. Oh, tu trouves ? Il aura pu être sympa. Un petit coup, hop, tiens, tu dégages, toi. Donc bon, là, Norris a perdu très très vite un peu des places. Mais je pense, enfin, j'ai trouvé que Piastri a su mieux dompter la bête Verstappen, en fait. Tu vois, mieux le mettre à mal et du coup plus vite le dépasser pour le laisser. Ah, c'est un chat d'abord. Mais tu vois, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre en fait dans ma pensée, mais j'essaye. Vas-y, continue. Non, mais dans le fait où, tu vois, par exemple, Piastri, bon, bah voilà, il n'est pas trop resté longtemps derrière Verstappen, il a réussi à le passer facilement. Norris en a plus chié, tu vois. Oui. Et pendant que le Norris en chie, Piastri, bah lui, c'était boulevard, je prends mon aise, et ça ira plus vite, quoi, et ça va plus vite. Et alors aussi, oui, Max a pu faire aussi une erreur, comme je vois dans le chat, là, Josué qui dit ça. C'est vrai que ça aussi, c'est le cas. Oui. Et du coup, Verstappen a su corriger après quand c'était Norris qui est passé. Mais clairement, enfin, j'ai trouvé en tout cas qu'il y avait plus d'aisance. Enfin, de toute façon, Norris l'a dit, hein, il a plus, enfin, Piastri a plus d'aisance dans la voiture que lui, je pense. Ça se ressent quand même, tu vois, quand il y a ces petits moments de difficulté, Piastri, il est là, quoi. Ouais. Alors, par contre, j'en connais un, tu vois, on en parlait tout à l'heure avec Alpine, là. J'en connais un qui doit vraiment être content et qui a dû remercier plusieurs fois. Je pense que là, c'est même plus. Oui. Il doit être heureux de ne pas avoir continué avec Alpine. Hein. Oui, parce qu'on rappelle que dans un univers alternatif. Il est pilote Alpine. Hein. Non, pire. Oui. Il est pilote Williams. Pilote. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on rappelle qu'à la base, Alpine allait le foot chez Williams à la place de Latifi. Et c'est Mark Webber, son manager. Et ouais, bah, je pense qu'il en doit une belle. Un dieu de la Formule 1. Il a dit, non, vous foutez de ma gueule, vous foutez pas Piastri chez Williams. Et c'est après ce Williams Gate qu'ils ont commencé à ouvrir des discussions avec McLaren. Et dès l'instant que Alpine n'a pas fait ce qu'il fallait pour fermer Piastri, bah, voilà, la voie était tracée, quoi. Mais oui, Piastri, il doit en être très content de son côté. Et j'allais juste ajouter, sur le départ, Verstappen qui ferme un peu la porte sur Norris, moi, franchement, je suis désolé d'être comme ça, mais Lando, je t'aime bien. Est-ce que tu as regardé le Grand Prix d'Arabie Saoudite où Verstappen se fait mettre dehors plus ou moins poliment par Piastri, et Verstappen se dit « Oh, il m'a poussé dehors !» Eh ben, je continue d'accélérer et je reste devant. Eh ben, voilà. Franchement, tes 5 secondes, tu les aurais pris haut la main et on va retourner voir le gap à l'arrivée. 4 secondes et quelques, je crois, entre les deux, entre Piastri et Norris. Ouais. Ouais. Bon, sachant que Norris attaquait comme un bâtard et que Piastri roule coude à la portière. Hein. Ouais, coup de portière, il faisait un coup de portière. Donc voilà, franchement, les 4 dixièmes, si Piastri avait 5 secondes de pénalité, l'écart n'aurait jamais été comme ça. Non. Parce que quand Norris a passé Verstappen, il y avait 8 secondes, je crois, entre les deux, quelque chose comme ça. Oui, de mémoire, oui, ça doit être donc, ça. Donc vraiment, 8 ou 9 secondes, ouais. Je pense que, bon, c'est un what if, mais c'est ce genre de petit truc qui pourrait faire la différence pour Lando. Et je pense que, malheureusement, c'est un truc où, comme Verstappen l'a eu avec Hamilton pendant quelques temps, chaque fois qu'ils se croisent en piste, il fallait qu'ils se crachent entre eux. Et ben Lando, c'est pareil, il y a un truc qui fait qu'il bloque. Ouais. Avec Verstappen, et Verstappen se lâche totalement. Et je pense que voilà, c'est là pour le coup, c'est à lui de trouver la solution. Les pit stops, on est passé. Cher B, bon, Lawson, je suis dégoûté de voir ce n'importe quoi qu'il nous fait depuis le début de saison et particulièrement depuis son retour chez RB. Pendant le sprint, c'était pas beau du tout. Enfin, c'était évitable, la collision avec Alonso. Au départ, bon, la direction de course a jugé que c'était un incident de départ, un incident de course. Mais tout de même, on voit clairement qu'il plonge à l'extérieur de Douane pour aller dépasser un autre pilote sur sa gauche. Il aurait dû se douter que Douane était à l'intérieur. C'est assez regrettable. Oui. Surtout pour un pilote qui est habitué au duel musclé. Hein. On rappelle, il a roulé notamment en Océanie. Dans des championnats là-bas, ça se donne pas la main. Il a fait du DTM. Donc, c'est assez costaud. Hadjar, bonne course. Lui, de son côté, il a fait tout ce qu'il pouvait pour aller chercher Tsunoda qui avait 5 secondes de pénalité en fin de course. Ouais. J'ai beaucoup aimé le fait que quand on a dit à Helmut Marko est-ce que du coup pour Lawson c'était la bonne chose à faire, tout ça, parce que là il perd ses moyens. Ouais, bah c'est vrai qu'il craque un peu sous la pression, c'est dommage. Et Yuki, c'est peut-être le pilote qui est le plus proche de Max en termes de capacité, tout ça, machin. C'est ce qu'il dit, Marco. Mais par contre, il fait beaucoup trop d'erreurs sous la pression et il va falloir qu'il se ressaisisse. Sinon, il va se casser la gueule. Et il conclut en disant, mais bon, on n'oublie pas que Hadjar fait un bon début de saison. Bon, ça mérite d'être clair. Hein? Ça mérite d'être clair. Voilà. Bon, on sait que Marco a un petit faible pour Hadjar. Alors attention, hein, pas de blague à la Weinstein, mais... c'est... Faites pas ça. Faites pas ça, purée. Ils vont nous en détruire encore un, quoi. Non, mais laissez Tsunoda finir la saison. Bah ouais, faut arrêter les conneries. La saison. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries, ouais, clairement. Là, c'est trop, quoi. Enfin, je veux dire... bah, Tsunoda, pour parler un petit peu de lui, ça a été... compliqué. Oui, c'est le mot, mais encore une fois, c'est quand tu vois les écarts moyens, c'est les écarts moyens qu'avait Perez, qu'avait non Lawson, c'était trois fois plus, mais voilà, 6 dixièmes en qualif sur le rythme de course, c'est pas mal hein, sur la fin de Grand Prix. Donc ouais, ça va. Après, faut pas oublier que Verstappen, et ça c'est un truc que pas mal de monde a dit, même Christian Horner. Verstappen a beaucoup compromis sa course. Regarde tout ce qu'il perd sur le début de course face à Tsunoda. Ouais, et Tsunoda était dans le peloton. Juste à essayer de défendre. Peut-être qu'il aurait dû plus ou moins accepter que les Red Bulls, que les McLaren aient un combat perdu. Et potentiellement, il aurait pu sauver le podium face à Russell. Possible. Ouais. Parce que tu regardes, ça se joue à vraiment pas grand-chose. Hein. T'enlèves 3-4 tours de lutte à se foutre dehors, à se passer, repasser tout ça. Voilà. C'était bien pour le plaisir des yeux. Ah mais oui, niveau spectacle, c'était le divertissement, hein, les amis. Ce qui, pour une fois, c'était pas sale et ça a fait plaisir. C'était juste viril, très burné, musclé et tout ce qu'il faut. Ça allait, ouais, ça allait. Cela dit, Yuki, bon, je sais que la Red Bull n'est pas dans les meilleures dispositions, mais on va pas me faire croire non plus qu'il doit lutter pour résister à une Racing Bulls, quoi. Il y a 2 semaines, on parlait avec Moyen de... On ne sait pas si c'est la Red Bull qui est bonne, mais que les autres n'arrivent pas à s'adapter, ou si la Red Bull est mauvaise et Verstappen, il arrive à élever son niveau. Force, bon, je me dis quand même que la Red Bull doit pas être si mal que ça quand même. Ouais, alors bien sûr, hein, il fait un excellent boulot, Verstappen, c'est vraiment pas pour dire le contraire, mais il y a un moment... Faut dire une chose. Tu fais pas des pole positions, tu le mets dans la kicksauber, il part pas en pole. Voilà, c'est ça. Et en fait, je me dis, comme on l'a toujours dit, les bons pilotes font les bonnes voitures et les bonnes voitures font les bons pilotes. Il y a toujours un peu une symbiose. Et après, par contre, ce qui est quand même impressionnant, c'est que tu n'en as qu'un seul qui... Il est posé sur mon bras, oui. Ouais, bah oui, il se met bien, le petit. Ouais, mais il vient faire ça pour demander de l'attention. Là, il faut que je le fasse sortir. Allez, viens voir, je vais te nettoyer les fesses, là. Pardon. Allez, on continue. Bon, ça, c'est les résultats. Williams, c'était rigolo, quatrième force du week-end. Parce que là, personne ne l'avait vu venir. Même eux, avant la course, ils ne s'y attendaient pas du tout. Et le rythme de course était très, très bon. Là aussi, ils sont très similaires, hein, par contre, hein, ce qui m'impressionne. Il y a aussi eu un petit drama chez Williams. Je ne sais pas si tu l'as suivi. Lequel ? On dit à Sainz en début de course, Sainz est devant Albon, on dit on conserve les positions pour remonter ensemble. Ouais. Et Albon fait un gros dive bomb et il passe Sainz. Ah oui. Oui, ça y est, je me rappelle. Ouais. Et semble-t-il, ça a été révélé après la course, que en fait on a donné l'instruction à Albon au moment où il était en train de plonger, quoi. Du coup, Sainz ne s'attendait pas à défendre. Et du coup, il a été très surpris. L'autre truc qu'il faut quand même dire, c'est que... Alors certes, c'est un petit peu bâtard pour Sainz, mais juste après, tu regardes un peu sur cette section-là, et puis même sur, tu le voyais en direct, Albon a tracé. Je crois qu'il a rapidement collé 3-4 secondes à Sainz. Donc finalement, tu te dis peut-être que s'il n'avait pas enfreint accidentellement la consigne d'équipe, peut-être qu'il y a un monde où les Ferrari finissent devant les deux Williams, quoi. C'est ça. Et peut-être que Albon n'aurait pas fait cinquième. Je suis désolé, hein, là c'est... Ah, évidemment, c'est un chat. Il occupe mon outil de travail. Ah, et puis il donne carrément des coups de micro, là, rien à foutre. Ouais, il veut des... Enfin, il veut de l'attention, il veut sortir. On a entendu ronronner cet enfoiré. Bon, ça, c'est pas à jour. Et du coup, j'imagine qu'on a fait le tour. Bon. Je crois, hein. Et voilà, et on est de retour avec Saucisson qui est juste ici. Il est retourné se coucher. C'est incroyable. C'est la magie du direct enregistré. Bien entendu. Non, touche pas à ça, petit con. Il va nous déclencher. Il a touché à ça, ce petit con. Allez. Du moment qu'il débranche rien, parce que j'aimerais pas me retrouver. Ah bah non, ça va pas être comme avec Melon. Tu peux pas te retrouver tout seul. Non. Ah non, là, si le stream il lâche, le stream il lâche. Allez, quelques petits mots sur les dernières actualités. J'ai l'impression d'en avoir oublié une. Je sais plus. Moi, j'en vois trois encore là. Attends. Je les ai. Donc, j'en avais une autre en tête. J'ai l'impression de l'avoir zappé. Bref, il y a eu des essais Pirelli. Chez Silverstone, voilà. C'est la fatigue qui commence à entrer en ligne de compte. Et oui, éventuellement, on pourra parler de ça. Et ils ont testé les voitures 2026, donc c'est avec les fameux mulets exprès qui sont faits pour ces tests. Donc, ils ont fait des tests avec des pneus intermédiaires et des pneus pluie, donc pour prototyper 2026. C'était sur la version courte du circuit, hein, bien sûr, on s'en fout, tout ça. Ils ont fait 480 km au total. Et Mario Isola, directeur de Pirelli, a dit... que les tests s'étaient révélés partiellement satisfaisants. Ah! Ah, merde! Ça veut dire que c'est de la daube! Ouais, ça craint. Là. Alors, les pneus intermédiaires ont répondu aux attentes. Oh! Mais les performances des pneus pluie n'ont pas été concluantes. Oh! Oh, merde! Encore! Ah bah alors! C'est pour quand qu'on va avoir des pneus pluie qui servent à quelque chose? Des résultats, blablabla, analyse supplémentaire. Il y aura des tests à Barcelone avec Mercedes et Racing Bulls les 3 et 4 juin. Et puis à Fiorano avec Ferrari plus tard au mois de juin. Donc voilà, ça, c'est pas joyeux. C'est pas joyeux, il y a toujours des emmerdes avec les pneus de pluie. Un mulet, c'est Bottas qui conduit. Oh, très très bien. Même pas, c'est Antonelli et Russell qui roulaient. Donc, c'est-à-dire que même là, Bottas sert à rien. c'est terrible, mais bon, au moins Bottas il est là pour faire du contenu sur Instagram. Voilà, c'est ça. Mais ça craint cette histoire de pneus quand même, hein, putain. Les intermédiaires fonctionnent, hein, c'est tout ce qu'il faut, hein, on va dire. Ah, c'est comme d'hab, de toute façon, en gros, ça va être même quand il va y avoir un torrent d'eau, ils vont mettre les inters et puis les pneus maxi pluie, ils vont les mettre que quand. Quand il y aura carrément de l'eau sur la piste, quoi, en fait. Genre une rivière. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire ? Au hasard. C'est alors là. Tu l'entends taper le micro ou pas ? Ouais. Mais je le vois même, hein. Oui, mais peut-être qu'avec le réducteur bruit, ça coupe. Oh, bon, hop, là, les prisonniers, tu viendras plus m'emmerder. On est en live, connard. Non, on est en direct, connard. C'est ça la réplique. Ouais, c'est ça, ouais. Il est moins malléable que Cacahuète, celui-là. Il se laisse un peu moins faire. Il n'est pas drôle. Ouais. Mais il est plus casse-couille, donc... L'autre, il est en train de dormir ou quoi ? Ah oui, oui, il dort. Ouais, carrément. Ouais, ah non, non, il est pas chiant, Cacahuète. C'est pour ça. Si je pouvais me débarrasser de l'autre, je le ferais, tu vois. Mais bon, ça... Cacahuète, il veut pas s'en séparer. C'est... Il dit, ouais, s'il te plaît, moi, je m'entends bien avec lui. Enfin, je le vois, ils arrêtent pas de se lécher le cul et de jouer... Il joue à chat. T'as compris ? Il joue à chat. Ouais, bah, ouais. Ah bah si, je sais quel sujet j'ai raté. J'ai l'aérodynamique ? Oh. L'aéro active ? Oh. Non ? Oh. Ah, t'as autre chose, toi. Ah bah oui, oula. Oui. Oula. Ah, t'entends gratter ? Hein ? Non ? Pourquoi tu dis oula ? Non, je me pose la question de quel actu t'as raté. Je sais pas si t'as vu, il y a Jack Doohan qui va pas finir la saison. Oui. Oui, oui, oui, oui. Et il va être remplacé par Franco Colapinto. Nos retours du oui, Colapintage. Mais oui, on a parlé de Hawks, mais on n'a pas parlé de Colapint. Bah oui, bien sûr. Pour 5 Grands Prix, Strigoun. Alors, et après ? Et après, bah, ce sera Rod Doohan. Après, ce sera Paul Aron. Et puis ensuite, Colapinto va revenir à la place de Gasly. Et puis après, on aura Aron Colapinto. Et puis ensuite, Hirakawa va revenir. Et on va finir la saison normalement avec un duo Gabriele Mini-Paul Aron. Si tout va bien. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire ? C'est. Ouais, on l'a oublié, Colapinto, mais ouais. Mm. Enfin, qu'est-ce que tu veux ? Je pense que, ouais, je sais pas, enfin... on souffle, quoi. On souffle. Ouais, c'est... Alors, pour rappel, le contexte, ça va bientôt faire un an, hein, donc joyeux anniversaire. Alors, je précise, non, il y a deux chats. Il y a deux chats, c'est juste que là, la vidéo... ce que vous voyez, c'est une vidéo, c'est pas en direct. Oui, bah oui. J'ai trop la flemme de replacer, de m'emmerder à placer une caméra sur leur lit. Donc il y a un an, plus ou moins, joyeux anniversaire. Bah oui, oui. Il a fallu trancher dans le vif lorsque Ocon a percuté Gasly à Monaco. Oh putain, j'ai... Bon, depuis le vif a été tranché, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on était encore en train de se demander comment on tranche le vif. Et du coup, pour que le vif soit bien tranché, on a dit bah, on enlève Ocon et on met Doohan à la place. D'ailleurs, on va le faire tout de suite au Canada. Bon, finalement, ils se sont rendus compte que ça coûtait trop cher en contrat et du coup, ils ne l'ont pas fait. Et ils ont dit oui, mais il va quand même conduire pour les essais libres 1. Ocon a dit bah oui, c'est ce qui était convenu en début d'année. Ils ont dit non, ta gueule, c'est ta punition. Ocon a fait oui, si tu veux. Et enfin, je dis ça, je sais même plus s'il avait roulé au Canada, mais il me semble qu'il y avait une histoire où ils l'ont fait passer pour une punition. La saison Ocon ne la termine pas parce que ça se passait pas bien du tout avec Alpine. Hein, on rappelle du fameux, ils ont pas la même voiture, Gasly et Ocon. On cachait des informations à Ocon qui étaient cruciales pour comprendre la voiture parce qu'il allait partir chez l'ennemi. Parce que Alpine, constructeur d'usine, fabricant de son propre moteur, a peur de Haas, plus petite structure du plateau, qui ne fabrique pas ses propres châssis et qui récupère les pièces détachées de Maranello. Les poubelles de Maranello, limite. Et ils ont dit, bon, bah écoute, il est hors de question qu'on te libère de ton contrat pour faire les tests avec Haas. Con était, tu te fous de ma gueule. Bah, attends, il a dit, bon, bah si tu laisses rouler Doohan à la prochaine course, d'accord. Du coup, Ocon a enfilé ses tongs, il a raté le dernier Grand Prix, Doohan a roulé. Doohan a été confirmé, je crois, aux alentours de la fin de l'été dernier, parce que naturellement, chez Alpine, on croit beaucoup en Jack Doohan. On a fait, ça fait depuis 2020-2021, je crois, qu'ils commencent à le préparer à la Formule 1, tout ça. Le truc, c'est que quelques temps après l'officialisation de Doohan, Il y a Logan Sargent qui s'est fait colapinter parce qu'il se crachait un petit peu trop. Colapinto arrive, il colapinte quelques bons résultats, et là, tout le monde se fait « Oula !» Ça, c'est le futur Fangio, parce qu'il est argentin. Et du coup, Red Bull fait « Ouf, on va remplacer Perez par Colapinto. » Et puis Colapinto a colapinté quelques ailerons avant. Ah, ça me saoule, là, il est en train de gratter parce qu'il pisse par terre devant la porte pour dire qu'il veut sortir. Et là, il miaule. Tu l'entends ? Oui, on l'entend, ouais. Ferme ta gueule ! Non, c'est pas toi, tout à l'heure, qui m'a dit de l'appeler comme ça, le chat ? Non, je sais plus. Bah, c'était peut-être Alex, je sais plus, qui m'a dit d'appeler le chat « Ferme ta gueule ». C'est en référence à Kaamelott. Où ils ont une chèvre qui s'appelle « Ferme ta gueule » parce qu'elle arrête pas de gueuler. Moi, je dis « T'as raté le coche ». Ouais, si j'avais su. Ah, bah oui. Bref, Colapinto, Colapinto, plein d'allons avant, Colapinto, quelques suspensions, et on se dit « Bon, bah finalement, on va rester avec Perez, c'est pas jeu, mal. » Ouais, c'est plus Gaston Mazzacane. Et la hype Colapinto, qui a duré trois courses, s'estompe. Et malgré tout, Alpine se dit « Oh, il y a un marché libre dans le coin. Oh, un marché libre. Il a des sponsors. Mercado Libre. On a besoin d'argent. » Parce que, bien sûr, c'est un constructeur d'usine, un fabricant de voitures à travers le monde qui veut s'engager dans le sport automobile. Donc, ils ont besoin de gros sponsors pour constituer leur livret. BWT, Mercado Libre, etc. Et le problème, c'est qu'ils ont déjà un jack Douane. Ils se sont dit, bon, Douane, il n'est pas fou. On l'a mis parce qu'il n'y avait personne d'autre. Alors qu'il y a un moment, il y avait Bottas qui était prêt à venir. À un moment, bon. Vous savez ce que j'en pense, hein, de Bobo. Il est gentil, il est mignon, mais Bobo, il ne sert pas à grand-chose dans le peloton quand il faut dépasser. Mais entre Jack Douane et Bobo, tu réfléchis pas normalement. Ah, normalement. Tout compte fait. Bon, après, peut-être que c'est Bobo qui voulait pas. Hein. T'as vraiment raté l'occasion de lui dire de fermer ça, de l'appeler ferme. Je subis ça tous les soirs. Hein. Et ce qui pourrait être beau, c'est de lancer de babouche en live. Ah, putain. Ouais, non, c'est chiant. Non, c'est insupportable. Surtout nettoyer la piste tous les soirs. Comment je peux maltraiter cet animal-là, présentement, pour me venger, sans que vous appeliez la SPA derrière et que j'ai des problèmes face à la justice? Bah oui. Ouais, il a marché dans sa piste. Allez, dégage. Bref, tout ça pour dire que Briatore s'est vite arrangé pendant l'intersaison pour récupérer Colapinto. Personne croyait que Douane allait finir l'année, au point où il y a eu plus de propagande sur l'arrivée de Douane, de Colapinto, que sur l'existence même de Douane. À savoir que Colapinto est le seul pilote d'essai et réserviste à avoir tourné sa séquence générique avec la FOM. C'est senti quand même long, hein. Et pour qu'il soit prêt, c'est-à-dire que là, le monteur, il a juste à remplacer... Il prend Vegas Pro, dont il a acheté la licence en 2007. Il coupe la partie douane, il met la tronche de Colapinto à la place, c'est réglé. Il te fait ça en 37 secondes, montre en main. Et bon, il y a 3 minutes de rendu parce que c'est Vegas Pro 2007, mais voilà. Tout ça pour dire que les 5 Grands Prix, j'y crois même pas. C'est une blague pour moi. C'est juste pour faire genre... mais il nous a... Il nous a convaincus, même s'il a cassé 7 voitures en 5 courses, il nous a convaincus. Je ne dis pas que ça va le faire. Hein. Je pense que Colapinto mérite sa chance concrète en Formule 1. Mais si tu veux... Dans ce contexte-là. Contexte-là ou pas, mais c'est surtout que il arrive avec des sponsors, il arrive avec tellement de com autour de lui, tu ne peux pas dire on l'a signé pour 5 courses. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oui. Ça n'a aucun sens. Ou alors, s'ils font ça et que dans 5 courses, ils remettent Douane, je m'incline et je dis officiellement Alpine, Renault, tout ce que tu veux, est l'entité la plus stupide de l'histoire du sport automobile. Je m'incline. Parce que non... est-ce que tu as vu les campagnes de propagande qu'il y a en Argentine? Mais mec, c'était hallucinant. Mais c'était hallucinant. Actuellement, qui passe, ouais. C'est terrifiant. C'est vraiment de la propagande. Alors apparemment, en Argentine, ils sont plutôt vifs sur leurs pilotes, sur leurs sportifs. Mais waouh, c'est costaud, quoi. Non mais t'as vu, est-ce que t'as vu quand il y a eu la publication comme quoi Oliver Hawkes démissionnait de ses fonctions, tu regardes l'espace commentaire, alors c'était le post Instagram que j'avais vu moi à ce moment-là, j'ai ouvert l'espace commentaire pour voir un peu ce qui se disait sur Alpine et tout ça, personne n'en avait rien à branler, tout le monde attendait que la Pinto qui soit annoncée, et ça parlait en argentin quoi, enfin en portugais, espagnol, comment ça. Je sais plus quelle langue en Argentine. Pardon. Il parle l'argentin, l'Amérique latine. Ouais, ouais, voilà. En tout cas, ça parlait espagnol ou un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est en espagnol. Hein. Oui, c'est espagnol. Désolé pour mon inculture, mais ouais, voilà. Mais bref, en tout cas, ça parlait à mort de allez, annoncez-le, machin. Ça y est, c'est bon. La révolution est en marche. Limite, enfin, ils étaient là, mais oh les gars, mais calmez-vous quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, non, c'est... C'est impressionnant, quoi, en tout cas, c'était impressionnant. Donc, franchement... Et tu sais... regarde, on va... Attends. J'ai juste un truc à faire avant. On va faire l'expérience en live. Moi, ce qui me faisait peur, par contre, c'est que l'Argentine, par exemple, au niveau du foot, c'est des mecs, t'as pas envie de les rencontrer, quoi. Les Argentins, c'est une catastrophe. Mais je parle même au niveau des supporters. Hein. Alors, j'ai juste... Hop, mince. Alors, ça marche pas terrible, hein, on va pas se mentir. T'as oublié Mercedes dans ton classement du GP de Miami. Ah putain, il y en a un qui a suivi. Merci à Louis. Tout le monde s'en fout de Mercedes. Non, en fait, c'est que les graphiques, j'ai dû les sauter ou je sais pas. Désolé. Ouais, Franchement, très bonne course. Russell paumé. Et puis voilà. Mais Russell s'en tire bien. Parce que Russell est doux, Russell est gentil. Alors. Bon, ça sert à rien d'avoir, faites pas attention. C'est juste une vieille news. Je suis tombé dessus par plus ou moins par accident. Ce qui est vrai. Alpine et Red Bull ne seraient plus intéressés par la signature de Colapinto pour 2025. Bon, bah. Ça change rien. Ouais. Non, mais ça date de l'été dernier, enfin de l'hiver dernier. Ouais, alors, ouais. On va faire, hop, Franco Colapinto. Filtré, date de mise en ligne. Donc c'est encore récent. Alors, on va essayer de remonter, c'était il y a combien de jours ? Début de semaine, je crois. Ouais, on va essayer de remonter là. Déjà, la quantité de shorts me fait peur, mec. Ouais, c'est terrible. Je te jure. Je l'avais tapé dans les trucs récents et tout. Il y a quelques semaines. Hein. La quantité de contenu qui est créé autour de Colapinto est terrifiante. Et en Argentine, hein, j'entends ce que reste du monde, ils s'en tapent. Je s'en tape à juste titre, je sais pas. Encore une fois, je pense qu'il est très très doué et qu'il mérite sa chance. Mais waouh! Mais la question se pose même pas en fait. C'est juste que, mais par contre, ce qui est impressionnant, c'est la quantité. Regarde ça. Et c'est pas les mêmes chaînes. Hein. Bon, là, Sportmaniacos aussi, mais... Ça a l'air, oui. Ouais. Putain, tu... carrément, t'as une photo avec Messi, quoi, sans déconner. Ouais. Donc, c'est assez terrifiant. Là, t'as été il y a deux semaines. Hein. C'était pas encore certain. Et tu remontes un petit peu plus loin. Déjà, il y a un mois, tu vois. Alphine est officielle. Donc, en gros, c'était officiel il y a un mois. Hein. Voilà. Donc, c'est que ça rapporte. Mais ça, ouais, ça me fait peur. En vrai, ça me fait peur. Plus côté médiatique que le côté médiatique et côté supporter. Ouais, déjà, enfin... Après, j'ai envie de dire, Alpine, ils vont se faire détester de tous les hispaniques. Hein. Donc, à un moment, d'abord, oui. Alonso, maintenant, Colapinto. Non, parce que là, il y a un état de grâce, mais concrètement, dans trois semaines, quand Colapinto va sortir en Q1 au début de Q2, et qu'il n'aura pas mis de points au bout de trois courses, ils vont insulter Alpine. Genre, d'où vous jouez pas le titre, quoi. Ouais. C'était atroce, hein, ce que s'était pris... Williams, je crois. Ouais, Williams, et puis il y avait eu un aussi pressing. Avec Alonso, ouais. Il y avait eu un pressing de malade, hein. Des gens insultaient Alpine à l'intersaison pour leur dire « Dégagez Douane, prenez Colapinto », tu vois. C'était atroce. Mais bon. On croirait qu'ils font ça comme si c'était un mercato de foot, quoi. Enfin, c'est... Belle transition. Je le dis et je le répète, mais le mercato foot, je veux pas, moi, en Formule 1. Je sais... C'est-à-dire, c'est quoi tu parles de... Que les mecs se foutent sur la gueule pour savoir, pour mettre leur joueur à tel endroit, je sais pas quoi, enfin... Puis même les supporters foot, tu vois, tout ce qui est notion de hooligan, etc., c'est ça, tu l'as dans le foot. Où les mecs se foutent sur la gueule, tout ça pour un match. Enfin, ça, j'en veux pas en Formule 1, tu vois. Qui commence à se foutre sur la gueule pour un pilote, pour un autre. Tu vois, déjà les marées oranges avec Verstappen, c'est pas... Ah. 30 secondes. Je crois que j'ai compris. Voilà. ouais, c'est ça, ouais. Se foutent sur la gueule, bravo. Ah oui, allez, celle-là, elle est belle. Bon, je note, Mick, pour toi, parce que voilà, mais... J'espère qu'on va pas entendre juste de Gunbox ou des trucs comme ça, parce que c'est chaud. La culture de l'instant. Nettoyage de pipi. Le mec, il est déjà en train de mettre un coup de... Là je vous le dis tout de suite, c'est la serpillière hein, qui est en train d'être posée pour éponger, à peu près. J'espère pour lui que c'est du parquet. Enfin, c'est pas du parquet, justement, parce que sinon, c'est la merde. Est-ce qu'elle est vraie, la rumeur de Mick Schumacher chez Alpine? De toute façon, elle est réelle, puisque Mick Schumacher bosse chez Alpine. Mais en tant que en WEC. Après, en Formule 1, je ne vois pas trop pourquoi ils iraient. Par contre, s'il y a une histoire de discussion entre... Je crois que... Ouais, je suis plus sûr. Je crois que je vais les garder sous le coude parce que je crois que c'est pour plus tard, ça. Désolé. C'est bon, tu l'as tabassé ? Ah, il bouge encore. Non, c'est pas le nettoyage de pipi. C'est que là, il était en train d'essayer de renverser la boîte de croquettes parce qu'il veut pas manger dans sa gamelle, mais par contre, il adore... renverser le gros tupperware avec toutes les croquettes pour bouffer dedans. Bah évidemment. Ah, connard chat. Du coup, quel était le sujet ? Non, on parlait déjà de toi qui essaie d'éponger Saint-Pierre et puis non, il y avait Monsieur Skynet Crazy. Qui a demandé si est-ce qu'elle était vraie la rumeur de Mick Schumacher chez Alpine. En fait, il est déjà chez Alpine puisqu'il bosse en WEC pour Alpine. Oui, exact. Dans la Alpine numéro 36 d'ailleurs, qui a fait encore la. Je crois que c'est eux qui ont fait le podium, là, qui ont fait troisième hein, derrière les deux Ferrari. Très belle fin de relais et même belle course. Ouais. Hein. Ah oui, oui, une belle course. Même, d'ailleurs, ils jouaient la victoire en des, enfin, à la régulière. Eh ben, ils ont joué la victoire sur la stratégie de l'essence. Ça ne s'est pas fait parce que Ferrari a réussi à finir avec 0,001% d'énergie, clairement, hein, je pense que c'est le cas. Ah, mais oui, ils ont eu aussi un problème de... Oui, c'est ça, merci Bimax, ils ont eu aussi un problème de crevaison. Crevaison, ouais, c'est à ça que je pensais. Et donc, du coup, ils ont dû anticiper leur arrêt, mais sinon, ils avaient peut-être moyen d'aller chercher... Il y a eu une belle bataille à un moment donné entre justement avec la Ferrari 51 et la BMW numéro 20. C'était assez burné et c'était stylé à voir. Mais Mick chez Alpine, c'est déjà le cas, mais en WEC, et je pense pas que ce sera ailleurs qu'en WEC. Par contre, transition peut-être pour toi, Mick. Oula. Attends, c'est par là. Mick en discussion avec Cadillac, il paraît. Et oui, en discussion, je sais pas, mais il a envie parce qu'il l'a évoqué publiquement. Et visiblement, en plus, il s'est fait un peu reprendre par la chargée de com de Alpine qui a dit oui, mais on est là pour parler que de WEC. Alors que tous les journalistes étaient en train de baver. Oh, il parle de Formule 1. À deux doigts de dire à la chargée de com. Non, ta gueule, laisse-le parler. Tu disais donc. Ouais, donc, ouais, parce que, voilà, hein, il peut. Et en plus, aujourd'hui, il a un bon argument, hein, parce qu'il a fait de bons relais, donc voilà. Oui. Et puis, enfin, son équipage s'en sort bien. Ils ont pris un podium à Imola et à Fuji, je crois, l'an dernier, ce qu'on m'a dit. Enfin, je n'avais pas vu ça, mais ouais. Et puis après. À titre personnel, moi, je n'irai pas chercher ce pilote-là. Non pas parce que je pense qu'il n'est pas bon, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup plus intéressant pour un nouveau constructeur en Formule 1. Ouais, c'est ça. Mais par contre, il y a un truc que je regarde quand même, c'est que sa carrière en Formule 1 était aussi sabotée, quoi, en fait. Ouais, mais ça, c'est... Moi, ça a été saboté, quoi. Ah enfin, oui, je suis totalement dégoûté. Hein. Ça fait partie des pilotes gâchés. Ah ouais, complètement. T'aurais le... Papa serait en meilleure santé, il y aurait eu des tartes. Je pense qu'il y aurait eu des tartes, littéralement. Ça aurait été chaud, quand même. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas. De toute façon, on va parler de Pérez, qui lui, par contre, est le candidat le plus sérieux, dans le sens où il y a des discussions avec Cadillac, ou Cadillac, je crois qu'il faut dire, je sais pas. Cadillac. Ouais, mais je crois qu'en VO, c'est Cadillac. Cadillac ? Ouais, il me semble, hein, parce que c'est américain, c'est pas... Mais en français, effectivement, on gueule le double L. Oui. Et du coup... C'est une belle phrase, ça. On y eut le double L. Oh, très certainement, j'ai tendance à dire de très belles choses. Je suis un fin littéraire. Il a fait bac L, attention. Ouais. Et je l'ai eu avec la mention ADM. Waouh. Incroyable. Ça veut dire admis. Et du coup, c'est... une discussion qui me semble tout à fait pertinente parce que... Alors, pertinente, oui, mais à l'heure actuelle, Pérez, tout autant que je pense que... Voilà, il a sa place en F1. Qu'est-ce qu'il a fait au cours de ces 7 derniers mois à part se marrer devant sa télévision ? Ah, c'est un peu ça le problème, tu vois. C'est que tu perds vite la cote. Tu regardes Hülkenberg, ça a été très difficile pour lui de revenir en Formule 1. Il a dû compter sur des petites opportunités hasardeuses, mais voilà quoi. L'opportunité hasardeuse, ça s'appelle quand même la guerre en Ukraine. Donc bon, je suis pas sûr que ce soit une opportunité fabuleuse, mais c'est un peu, c'est un peu ce qui s'est passé. On va dire plutôt le concours de circonstances, voilà. Pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Non, mais quel rapport entre la guerre en Ukraine et le retour d'Hülkenberg ? Ah, la fin du Ralkali. Bah oui. Ok, oui, moi je l'avais pas vu comme ça, mais oui, oui. Ah bah si, il a d'abord fait son retour chez As avant de faire son retour chez... Non, moi je pensais c'est Racing Point, quand il avait fait quelques remplacements. Il avait remplacé Perez pendant deux courses et puis Stroll. Ah oui. Oh putain, je me rappelais même plus de ça. Ah oui, c'était pendant le Covid ça en plus, mais oui. Bah oui, c'est pour ça que je dis que c'était assez plutôt hasardeux, quoi. Mais... Oui, mais... Ouais, ouais. Il s'en était bien sorti, mais... Il s'en était bien sorti. Même s'il n'était plus ultra actif, il restait un peu dans le circuit. Là, Perez, il est vraiment à la maison en train de se les toucher. Donc, c'est pour ça que je m'inquiète un peu, quoi, sur son retour. Est-ce qu'il pourra être direct performant? Je ne sais pas. Disons que s'il passe plus son temps à se gratter les couilles qu'à se muscler le cou, c'est compliqué. Ouais, après, bon, je pense qu'il va vite se remettre en jambes, mais se toucher les KitKat, bien joué. Voilà, bien joué. C'est un point que j'ai envie de souligner quand même. Après, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le recrutement le plus pertinent parce que pour un constructeur américain, il va ramener du public. Cadillac, c'est très clairement, et il s'y affiche, hein, ils veulent être le constructeur américain. Parce que As, tout le monde s'en bat les steaks. C'est-à-dire le problème, que As, c'est un privé. Oui, c'est un privé. Et puis en plus, ils sont plus dans l'ombre de Ferrari, quoi. Bah, il y a ça aussi. Enfin, c'est-à-dire que quand on parle de quand on va aux États-Unis pour les courses locales et tout, bon, les gens, ils sont là, ils soutiennent Hamilton, ils soutiennent je ne sais pas qui. Ils sont en mode, ah ouais, et puis bon, il y a notre petite équipe locale. S'ils peuvent marquer un point, ce serait cool. Alors que Cadillac, c'est quand même une institution dans le monde, quoi. Donc, tu vois, leur retour en WEC a fait quand même du bruit. D'ailleurs, même leur voiture fait du bruit. Donc voilà, Leur V8, quand il... Tu sais, le petit... je l'ai envoyé des dizaines de fois sur Instagram, mais le petit démarrage dans la pit lane, la relance du moteur thermique. Très... Tu sais, t'as les aigles qui sortent du pot d'échappement. Enfin, c'est fabuleux, merde. C'est ce qu'il nous faut, quoi. Bah voilà. D'ailleurs, bring back the V8, hein, du coup, hein, pour, au moins pour Cadillac, hein, parce que là, du coup... Là, c'est un sujet peut-être pour une autre fois, tout ça. je pense que c'est effectivement un des pilotes les plus pertinents pour ça, parce qu'effectivement, il a le marché américain. Personne d'autre n'aurait le marché américain, en vrai. Je pose la question, c'est une question ouverte, parce que je ne sais pas trop, même si en feeders, il n'y aurait pas quelqu'un, un petit jeune qui ne pourrait pas popper. Alors, ils peuvent aller chercher un Pat Howard, ils peuvent aller chercher... Colton Herta, Colton Herta, je crois pas que ça marchera, mais clairement, il fait partie des favoris, hein, Colton Herta. Donc, Herta, ça fait pas un moment qu'il est en F2 ou tout comme ça. Oula. Pour le coup, je suis. Il est en IndyCar, Strigon. Ah oui, d'accord, maintenant il est en IndyCar. Ouais. Okay. Oui, je sais même pas s'il a. Il a fait quelques courses en F2, mais je crois pas qu'il ait fait de saison complète. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a lui, il y a potentiellement Alex Palou, même s'il n'est pas dans les discussions. Il y a des pilotes d'IndyCar qui sont naturellement mentionnés. Herta qui n'a toujours pas sa super licence, c'est pour ça que je me suis vite rétracté après l'avoir prononcé son nom. Mais voilà, donc il y a de quoi faire en termes de pilote américain. Mais Sergio Perez, ça reste celui qui est le plus proche de la Formule 1. C'est-à-dire qu'il a un pied concret en Formule 1. Maintenant, si tu as envie de prendre un pilote full américain et de partir sur un autre pilote de F1 qui n'a rien à voir, Perez reste un bon choix. Parce que c'est un pilote d'expérience, c'est un pilote qui est rapide, tout ça. Après, tu peux effectivement aller tenter de débaucher un bobo. Ouais. Magnussen. Ouais. Je... Enfin, pour une nouvelle écurie, c'est quand même chaud d'aller chercher dans les vieux, non ? Je sais pas. Enfin, j'arrive pas à trop savoir s'il y a une bonne solution ou une mauvaise solution. Ce serait suicidaire d'aligner un duo Berman-Antonelli. En gros. D'accord, mais ouais. Il leur faut de la stabilité. Il va leur falloir un duo de pilotes qui... quoi ? J'ai rigolé parce que j'ai vu un Necroc qui a parlé de gros gens. Ça aurait été tellement bien. Bon. Non, peut-être pas. Ah, il a quand même un peu de bouteille. Non, parce que j'allais dire qu'ils ont besoin de pilotes qui ramènent les voitures. Oh, bâtard. Oui, mais tu vois, tu vois, si j'allais finir la phrase. Donc non, Grosjean, ça marche pas. Voilà. Malheureusement, il y a trop de trucs qui font que... ils ont besoin de pilotes qui ont de la bouteille et de pilotes qui vont aller... les accompagner sur pour poser les bonnes bases. Bah, comme Grosjean l'avait fait avec Haas, justement, par le passé. D'ailleurs, c'est oui, exactement oui. ça ah, qu'il ouais. faut. Après, bah, en fonction du marché qui sera libre, faut aller voir. Hein, si jamais t'as un Pierre Gasly qui, en voyant l'état d'Alpine, a envie de se barrer et tenter un projet suicidaire, voilà. Disons que tu te dis, j'ai plus rien à perdre, j'y vais, on verra bien. Pas, hein. Sur un malentendu, on peut peut-être s'entendre. Ça. J'ai envie de conclure, Strigone. Vas-y. Mais j'ai envie de conclure dans la joie et la bonne humeur. Donc, j'ai envie de conclure sur un jeu. Sur un jeu ? Oh, putain, oui. Quoi ? Je sais de quoi tu vas parler. C'est de quoi ? F25 ? Non, Strigone, s'il te plaît, respecte-moi. Oh, oh, oh, oh. et vous pouvez jouer dans le chat aussi. Bon, il n'y a rien à gagner, c'est juste un petit jeu. Tu veux parler de GTA 6 aussi, qui a été reporté ? Non, parce que moi, j'ai pas joué au GTA, je m'en fous. Ah. Voilà. Qui est encore chez Alpine, c'est ça ? Alors, 5 années, 5, enfin, 6 team principal. Oh là là. Enfin, 5, 6, voilà. Alors, on va les énumérer un à un. On a Cyril Abitbol, 2020. On le connaît bien. Ensuite, on a le duo Marcin Budkowski, Laurent Rossi, parce que c'était à l'époque où il n'y avait pas de team principal et qu'il n'y avait aucune structure dans l'équipe. Donc, ça a changé depuis ? Il y a de la structure maintenant ? Plus ou moins. Pardon, je suis maintenant, ils font semblant. Donc, là, on est sur le début du projet Alpine 2021-2022. En 2023, début 2022 est arrivé Otmar Szafanauer. Ouais. Avec BVT. Quelle horreur. Qui a été remplacé courant 2023 par Bruno Fama. Qui a été remplacé. L'année suivante par Oliver Hawkes, qui est maintenant remplacé par Flavio Briatore. Bah, mais c'est vrai, comme Radam, il marque qu'il manque Vasseur. C'est vrai que Vasseur, il a fait aussi un tour chez Renault. Oui, mais c'était 2016. Ouais. Enfin, avant 2016. Il part en 2016. Oui, donc, ouais, donc ça va. Ouais. Donc c'est voilà. Bon. Le jeu Strigoon, ça va être de faire un petit jeu d'histoire. Vraiment, hein, de l'histoire de l'humanité. Je vais te donner des événements et tu vas devoir me dire qui était le team principal d'Alpine à ce moment-là. Oh, vas-y. Oh, ouais, vas-y, putain. On va commencer simple. Très simple. Vas-y. Début de la pandémie du Covid-19. Abitbol. Voilà. On commence léger aussi. Le Piastri Gate. J'allais dire Abitbol. Szafnauer. Voilà. Maintenant, on a commencé sur quelque chose. Voilà. Ouais. On va passer sur des choses un petit peu plus coriaces, mais j'ai quand même envie d'en mettre une pour toi. La mort de Sean Connery. Oh, James Bond. Il n'y a pas si longtemps, ça, mais oui. C'était sous Fama, ça, non ? Il n'y a pas si longtemps. C'était sous Abitbol, c'était en 2020. Ah, ça fait déjà si longtemps que ça ? Eris Rigoon, ça permet un petit peu de... Ah ouais, j'avoue. C'est de se prendre une claque dans la gueule pour se rappeler qu'il est mort c'était le 31 octobre 2020. 2020 ? Ah ouais. Ok. Tu vois, j'ai... Le retour de ABBA avec un nouvel album. Elle est pour du Forest, celle-là. Mylène. vas-y, attends, je la laisse pour Mylène. Là, c'est son terrain, c'est pas le bien. L'obstruction du canal de Suez. Oh Rossi. Rossi ou Safnauer? Attends, Rossi? Ah oui, non, c'est, c'était Safnauer. Safnauer? Ah merde. Ouais, c'était 2022. Ouais. Alors, elle dit Otmar Mylène. Eh ben, c'est perdu. C'était... Attends. Ah bah, c'était... Elle va me faire douter, hein. non, c'est bien 2021. Donc, c'était sous l'ère... on sait Rossi. Pas. Rossi Budokowski. Ouais, merci comme ça, ouais. La panne informatique mondiale. Et celle-là, il y a un piège parce que ça se passe juste avant une transition. La panne informatique mondiale, mais de quoi ? Il y a quoi ? Alors, pas scène des années 2000. Tu sais, il y a eu un jour, avant un week-end de Formule 1, en plus, c'était... Il y a eu une panne, il y a eu des équipes comme Mercedes qui se sont retrouvées un peu dans la galère, ça a emmerdé des entreprises. Panne informatique. Le grand bug de Lord of the Beast, ça part dans le chat, du coup. Attends, putain, ça me parle, mais je me rappelle plus c'était quoi. C'était anecdotique, je pense. En plus, tu m'en avais parlé. Panne informatique mondiale, c'était... je sais plus quoi... qui a touché 8,5 millions d'ordinateurs sous Windows, selon... Ah, c'était pas sous Famin, ça ? C'était il y a 2 ans ? Exact, c'était sous Bruno Famin. Les blue screens déjà... dans les aéroports, l'affaire CrowdStrike. Ah oui, CrowdStrike, mais du coup, oui. Bah, ils étaient emmerdés par Mercedes. Oui, Mercedes était emmerdé, justement. D'accord. Oui, CrowdStrike, en fait, oui, de mémoire, je me rappelle, c'était l'histoire de mise à jour, je sais plus quoi, là, une mise à jour de sécurité qui avait fait planter les Windows, c'est ça. Non, mais c'est bien, ça nous replace dans l'histoire. La mort de la reine Elisabeth II. 2022, Safnauer ? Exact. Une grève anti-IA à Hollywood. Coucou, ah oui. La grève des scénaristes qui disait... C'est pas Hawks ? Non, c'était sous Femin. C'était Femin ? Ouais. Ah oui, d'accord. Le conflit israélo-palestinien. Oh non, je rigole, c'est de la triche, les 5 réponses sont bonnes. Le Brexit... Habitbull. Exact. La mort de Michel Blanc. Waouh, mec. je me suis dit culture française, le Strigoun avec son BA, il va. Safnauer. Non, c'était non. Sous Aux. Ma main, peut-être. Non, c'était Aux déjà. C'était fin d'année dernière, non, je crois. Pas... Ah bah oui, c'était. Oui, non, j'étais en train d'envoyer loin, mais non, c'était pas si longtemps. Il manque David Debrivio. Non, mais Brivio, il passe sur la deuxième colonne, David Debrivio. Pas assez. Non, mais oui, mais on peut le mettre. Personne n'était TP. J'ai mis Rossi et Budkowski. Ils n'étaient pas team principal. Ils étaient là. C'est tout, ta gueule. C'était l'organigramme d'Alpine de l'époque. Personne ne comprenait rien. Mais même, oui, grave. Même quand Safnauer il est arrivé et qu'il s'était dit que c'était lui le patron, il s'est rendu compte qu'il était en bas de l'échelle. Mais qu'il n'était pas si sûr que ça d'être pas de patron, en fait. Il s'est dit, putain, merde, je crois que je me suis fait baiser. Alors là, on va en faire une pour le chat. Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Je savais même pas que c'était arrivé. Ah, c'était pas Bitbull, ça ? C'était sous l'air... L'air... D'accord, Rossi, tout ça, là ? Ouais. Ok. La guerre en Ukraine. Pas la nôtre, celle de la Russie. Si, Safnauer, 2022. Exact. La mort de Grishka Bogdanov, elle est pour toi, hein, c'est de la science. Ah, l'air... Attends. Non, c'est Igor Bogdanov, il est mort sous, je pense, sous Habitbull. Et Grishka, il est mort sous Rossi. Oui, c'est ça. Ouais. Et une petite dernière pour la route, SpaceX qui envoie une mission sur Mars. Elle est pour Vicnet, s'il nous écoute. Mission sur pour Mars ? Pas eu encore pour l'instant. Non, mais ils ont envoyé leur merde, je sais pas quoi là. Ah, tu parles de la Starship ? Oui, ça là. Et il y en a eu 8, alors. Et 8 lancés, donc il doit y avoir Zafnauer, Famin et Hawks. Bon, ouais, voilà, allez, toutes les réponses sont bonnes. Allez, c'est bon, c'est cadeau. Tout le monde marque des points. Ouais, ça... C'est juste que voilà, dans la liste des événements marquants de 2024, c'était ressorti et pas dans les autres. Tu parles de la Tesla dans l'espace. Ah oui, aussi, il y avait eu ça, oui, ben oui. Oh bordel, sérieusement. Oui, oui, il a vraiment pour... Alors ça, c'était un coup de com' pour la Falcon Heavy. Pour la petite culture, G. C'est, en gros, tu sais, c'est la Falcon Heavy, c'est la... Tu vois ce que c'est à peu près ou pas? La Falcon 9? Non. C'est la petite... Le petit godbichet, là. Enfin, le petit... tige quoi. Petit stylo comme ça. En gros, bah, ils avaient mis deux boosters sur les côtés, ça s'appelle la Falcon Heavy, c'était pour envoyer des trucs un peu plus haut, genre en orbite géostationnaire. Et ben, ils avaient fait pour la com de cette fusée, donc pour montrer le premier lancement pour la démo, ils avaient mis dans la coiffe une Tesla Roadster avec un mannequin qui faisait coup de portière avec le nouveau costume qui sert aujourd'hui pour les Crew Dragon. Et donc, du coup, tu avais vraiment une Tesla qui faisait... Qui était partie se promener dans l'espace. Top. C'était sa propre voiture, bon. En plus, non, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'était sa voiture perso. Comment il s'appelle, Elon Musk. Ouais. Pourquoi pas. C'est vrai que j'aurais pu mettre la dernière d'un pilote belge champion du monde des rallyes. Ah. Lève-toi, petit con. Ouais, c'est bien. Tu veux dire, comment il s'appelle Thierry Neuville ? Ouais. Ouais, c'est dans le chat. Et qui écrit « Don't panic » sur la tablette en référence au film. Regarde-moi ça. Et top. J'étais mort de rire quand j'ai revu l'histoire avec le réel Instagram. Ouais. Avec Gazou. Qui était impressionné que t'arrivais à faire ça avec tes chats. Mais ça le calme, hein. Tu sais, tu lui files de la bouffe, c'est bon. Hein. Ah bah ça y est, oui, il est tranquille. Ah, bon. Ok. C'était pas mal ce jeu. Écoutez, quelle heure. Je pense qu'on va s'en arrêter là pour ce soir. On est pas mal, on a pas mal blablaté. On a fait pas mal de bêtises, donc merci d'avoir été là ce soir. Merci Strigoon. Tu sors un livre prochainement ? Okay. Non, de toute façon, on s'en fout. Non, j'en suis à la quatrième de couverture. t'as fini le sommaire, peut-être ? Ah, non, j'en suis pas là. Non, je n'oserais pas. C'est dur à écrire un sommaire. C'est le titre, surtout, qu'il faut que j'arrive à trouver. Oula. Pourtant, t'en sors plein des titres. Oui, pourtant, oui. Mais justement, c'est peut-être le plus dur, c'est de trouver le titre. Ouais. Ouais, on va essayer de faire les FNF entre les Grands Prix. Donc, il n'y en aura pas pendant 3 semaines, mais on va essayer de se faire les Popol, les samedis soirs. Ah, bah, on essaiera peut-être de la Popol. Ouais. Donc, le week-end prochain, peut-être Popol, oui. Voilà, on va s'amuser parce que c'est tout ce qu'on aura, hein, ces IMO-là. Belle qualif, course de merde. C'est ça. Ça va être ça. Allez. C'est à peu près l'idée, ouais. Bisous tout le monde, merci d'avoir été là. Bonne bise et n'oubliez pas, priez la sainte soudaine. Voilà, la soupape. Priez pour le soupape. Priez la soupape. Allez, au revoir.